Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémeaux 107 FM avec quelqu'un. Rien que l'introduction là, les gens vont se dire « Oh ça y est, elle est revenue, elle est là !» Elle est de nouveau parmi nous. Oui, mais à nouveau des bêtises pour bien commencer 2019. Non mais c'est bien, on sent que c'est la reprise. Eh bien, ça nous donne envie de dire bonne année, Lou. Eh oui, bonne année Gaël, bonne année Julien. Bonne année à tout le monde qui nous écoute ce soir. Je ne sais pas s'ils sont nombreux, on l'espère, mais... On vous espère très nombreux à nous écouter. Qu'est-ce qui se passe ce soir, messieurs, dames? Eh bien, c'est vous, l'animateur de ce débat d'éo. On a dit que ce soir, c'était un peu différent. On a dit qu'on allait animer de façon collégiale. Ah, animation collégiale. Donc, c'est moi qui dois donner le sommaire. Qu'est-ce que je fais? Comment on se partage les tâches? Tu peux attaquer. Alors, on avait dit, hein, lors de notre dernière émission... Sur les gilets jaunes, qu'on remercie d'être venus au micro, que aujourd'hui, on allait faire une deuxième sur le véganisme, parce que le sujet est assez vaste et que finalement, on n'avait pas vraiment traité de toutes les questions qu'on voulait traiter, alors, Julien. Je pense surtout que nos auditeurs avaient compris que Lou avait été assez frustré de la fin de l'émission. On n'avait pas réussi à diffuser une chanson qu'on écoutera aujourd'hui un peu plus tard dans la soirée. On a plein de sujets qu'on n'avait pas abordés. Et c'est vrai que voilà, c'est une revanche pour Lou ce soir. On va pouvoir vraiment aller au fond du sujet du véganisme et grosso modo aussi de tout ce qui est végétarien, les frugivores, tout ça. C'est des termes qu'on avait abordés la dernière fois. Mais là, on va pouvoir aller dans le détail. Et puis, Lou va pouvoir s'en donner à cœur joie. Oui. Et d'ailleurs, on avait confié les rênes à Lou. Alors, quel sommaire nous avons pour cette émission? Alors, j'ai préparé un petit sommaire pas piqué des hannetons avec quelque chose de... Bon, ça n'a pas beaucoup évolué par rapport à ce matin parce que j'avais déjà un petit peu dégrossi. Il faut rappeler, le véganisme, c'est un sujet assez vaste. Et j'avais commencé, alors je me suis dit, pour que les auditeurs aient une petite idée de dans quel sens on va aller ce soir, et ce ne sera pas que informatif, hein, on pourra tous donner nos avis comme d'habitude, et vous pouvez sans hésiter comme d'habitude passer par la page Facebook ou par téléphone au 03 29 62 40 40. Alors on va commencer avant toute chose à définir le véganisme, ce que c'est, parce que contrairement à l'émission précédente où on avait parlé que d'alimentation, il ne s'agit pas que d'alimentation, et ça c'est très important de le préciser. Alors juste une petite note avant d'attaquer le vif du sujet. Oui. Il y a un grand absent ce soir. Alors je pensais qu'il fallait en parler. Ah, il faut le dire. Déjà le saluer parce que... Parce qu'il nous écoute. Il nous écoute, donc salutations à PJ. Finalement, j'avais même envie de dire, c'est dommage, il nous manque une voix contradictoire pour équilibrer le débat. Une voix locavoriste d'ailleurs, ça je m'en souviens très très bien. Oui, locavore, ouais, c'est vrai. Tout à fait. Oui, alors c'est vrai, gros bisous PJ, si tu nous écoutes. Et il nous écoute. Ah oui, c'est vrai. Je suis quasiment certain qu'il nous écoute. N'hésite pas à te manifester si l'envie t'en prend, PJ, tu connais le numéro de la radio, comme les autres auditeurs. Alors après avoir défini le véganisme, je continue à faire juste un petit sommaire. Comme ça, on sait dans quel sens on va, mais j'aimerais bien que mon mail s'affiche à nouveau parce que je l'ai tout en dématérialisé. Alors, ensuite, ce serait pour voir si c'est une tendance, entre guillemets, qui fait beaucoup parler d'elle. Est-ce que c'est qu'un effet de mode? Voilà, est-ce que ce n'est qu'un effet de mode et si c'est en fait si récent qu'on le pense. Après, j'aimerais bien qu'on parle des intérêts du véganisme, pourquoi il y a des personnes qui franchissent ce pas, enfin, de ce mode de vie. Ensuite, en point suivant, montrer que, enfin, est-ce que il y a beaucoup de véganes qui proclament aussi la convergence des luttes. On va aussi définir la convergence des luttes pour ceux qui savent plus trop ce que c'est. Ça me rappelle l'émission de la semaine dernière, ça. Enfin, de la dernière fois. Du mois dernier que j'ai malheureusement loupé en espérant que c'était quand même fort intéressant. Il n'y aurait pas eu la place, hein, on était trop nombreux. Zappé, c'est vrai que tu n'étais pas là ce coup-là. Eh ben non, j'étais à la Bresse à la rencontre de Nicolas Mathieu. D'accord, bah t'aurais compris pourquoi PJ n'est pas là ce soir. Non, mais j'ai cru comprendre que... alors après avoir parlé de la convergence des luttes, voir si... Enfin, est-ce que mythe ou réalité, peut-être pas, mais parler un petit peu de la convergence des luttes. En avant-dernier point, qu'est-ce que ça signifie réellement d'être végane? Et enfin, comme ça vous avez une petite idée de là où on va aller, est-ce que c'est la solution, le véganisme? Voilà, c'est un petit peu le sens que j'aimerais donner à l'émission de ce soir. Qui entre en résonance avec notre émission d'il y a deux mois sur quel avenir pour l'humanité? Est-ce que finalement finalement le véganisme ne serait pas la solution pour sauver l'humanité? Eh oui, qui sait. Je fais des ponts comme ça entre les émissions. Ah, mais tu as raison, Gaël. Toi, tu es le chroniqueur des ponts. J'ai des amnésies sur les sujets. Je me souvenais même plus de cette émission. Qu'est-ce qu'on avait raconté? C'était quoi? Oh là, beaucoup de bêtises, j'imagine. Ah, oui, oui, oui. Non, on avait fait part on de avait notre. Fait des beaux sujets. Oui, mais notre pessimisme collectif quant à la survie de notre espèce humaine. Ah, ça te revient toujours pas? Non. Il avait été obligé d'être l'optimiste de l'émission, c'est pour ça, ça lui revient moins. Peut-être, mal, ouais. C'est pas trop son... Il y a le Tipex vacances aussi qui est passé entre temps. Le nouvel an a fait des ravages. Hein. Et c'est vraiment le nouvel an ou ce qu'on y fait? En tout cas, on a un sacré sommaire qui nous est proposé. Ça fait un menu à ma foi bien appétissant et qui permet d'aller vraiment, il me semble, au fond des choses. On lance sur le premier point donc? On lance sur le premier point. Alors je vais lire ce premier point. Et on te demandera de nous donner les premiers mots pour lancer, ouais, initier le débat dessus. Je plaide pour un jingle premier point, mais... Oui, alors le premier point avec Lou. Donc le premier point, la définition du véganisme, plus qu'un régime alimentaire, un mode de vie à contre-courant du mode de vie occidental. Tel était le point proposé par notre animatrice. Oui, tel était l'intitulé. En effet, comme on n'en a pas trop, enfin on n'a pas eu l'occasion d'aller bien au fond des choses la dernière fois, il est important de préciser que le véganisme est un mode de vie, ce n'est pas qu'un régime alimentaire. Alors pour vous situer un petit peu, on va faire une petite pyramide à étages. On va aller dans un certain sens. Il y a dans un premier temps le végétarisme. Vous connaissez quand même, il y a beaucoup de végétariens, on est 2-3% en France, on est beaucoup plus nombreux sur Terre, mais j'ai plus les chiffres. Mais bon, en général, les végétariens ne mangent ni viande, ni poisson. Bon, après, il y a des lactos, ovos, végétariens. Enfin bref, on va parler des grosses branches. Étape suivante, il y a les végétaliens. Les végétaliens, eux, ne consomment pas de produits d'origine animale. Donc, pas de viande ni poisson comme les végétariens. Ni œufs, ni lait, ni miel produit par les abeilles. Ça, c'est le plus important. Et enfin, il y a le véganisme. Alors, l'étape suivante au niveau alimentaire, c'est pas d'huile de palme, ni de truffe. On pourra en parler plus tard. Oh, ah, oui. Ouais. Là, je suis impatient parce que c'est vrai qu'on est passé à côté de grandes choses la dernière fois. Ben, parce oui, que là, je découvre des choses. D'éthique. Ah ouais. Tu vas voir, ça fait partie. Ah, la truffe. C'est... La truffe, là, ça me... Ça t'a truffé. Je suis impatient. Eh ben, vous comprendrez dans le point les intérêts du véganisme, parce qu'on est toujours dans la définition. Et je disais, le véganisme, alors au niveau alimentaire, c'est végétalien, plus ni mince, j'en étais où, ni truffe ni huile de palme, et après rien de ce qui est de consommation d'exploitation animale, pas aller dans les zoos, pas aller dans les cirques, le parc. Oui, on sort du domaine alimentaire. Enfin voilà, on sort du domaine alimentaire. Ça c'est clair, c'est revendiqué comme étant des, c'est quoi, c'est des préceptes. Enfin, certains comparent le véganisme à une forme religieuse. Ah ouais. Hein, y a une forme d'éthique derrière. C'est pas anodin. C'est vrai qu'on n'a pas pu vraiment aller au fond de ces détails-là. Qui arbitre ce... Il y a un livre originel? Non, pas du tout. En fait, il espère trouver un prophète du véganisme, en fait, c'est ça. Ah, qui sait, on aurait peut-être pu le faire venir, faire venir un médium et le faire intervenir comme ça par le biais des esprits. On fait encore des ponts avec les émissions précédentes. Alors, dans ta pyramide, si je reprends l'exemple que tu as donné, il manque un échelon qui est en dessous du végétarisme, c'est finalement l'omnivore, le commun de nos concitoyens. Bah, en fait, c'est parce que c'est le commun que j'en ai pas parlé. C'est tellement évident. Bon, quoique là, on est deux contre un, il y a un omnivore contre deux végétariens dans la salle ce soir. Et toc. Mais après, c'est vrai. Je rappelle qu'il y a PJ qui nous écoute. Oui, mais il n'est pas là. Hein. Alors, les absents ayant toujours tort, petit clin d'œil PJ, il fallait venir défendre son gagne-pain. Mais bon, dans tous les cas, sa croûte. Oui, ça... Je précise aussi aux auditeurs que, ben voilà, vous le savez aussi à nouveau, Gaël est végétarien, je suis végétarienne moi-même, et je préfère le dire comme ça, on est sûr de vexer personne. On n'est pas là pour faire la morale, pour juger, pour jeter la pierre à qui que ce soit. C'est juste une émission. Sauf à Julien. Non, mais le vrai intérêt, c'est de faire comprendre ce qui vous motive vous à être là-dedans. Mais ça, on en a déjà parlé dans l'émission précédente. Je pense qu'il faut entrer vraiment dans le véganisme. Mais il y a des choses qu'on vient de découvrir, là, l'histoire de la truffe. Tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'il faut aller. Mais je vais te laisser dérouler parce que c'est vrai que la truffe, on en parlera en détail parce que. Et puis comme on a parlé de mode de vie, on a parlé de pas de cirque, machin, pas aller acheter des animaux en animalerie, ne pas porter de laine, de cuir, de fourrure. Enfin, la fourrure, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont contre. En fait, voilà tout ce qui cause une exploitation animale. Parce que c'est comme on a parlé la dernière fois de spécisme et d'antispécisme, les véganes sont par conséquent antispécistes. Alors, ils estiment que les animaux non humains, parce que c'est une catégorie qui existe maintenant, il y a les animaux humains et les animaux non humains, ont les mêmes droits, où ils militent pour ces mêmes droits de liberté et de vie, voilà, et pas d'exploitation et d'esclavage. Voilà. Ça, c'est pour la définition. On aura tout entendu ce soir. Non, mais et puis ça va très très loin, hein, puisque on avait commencé notre dernière émission sur le discours de Tiphaine Lagarde. Donc j'en ai profité pour aller me renseigner un petit peu sur cette jeune femme et j'aurais des choses à dire à ce sujet. Ouais, rappelle-nous, c'était qui Tiphaine Lagarde, c'était la jeune femme dont on avait dit qu'elle avait utilisé les termes en comparant l'exploitation animale à l'Holocauste. Ah, c'était donc, c'est la, ça qui la nous avait lancé dans l'émission. Boucherie abolition, c'était oui. Ça. Ouais. Alors je sais pas si c'est elle qu'on avait entendue, mais comme elle tient le même discours, je me suis renseigné plutôt sur celle-ci, n'ayant pas retrouvé le nom exact de notre voix mystère de la première émission. Et qu'as-tu trouvé sur cette personne, hein, vu que tu as fait des recherches? En fait, voulant me renseigner sur le véganisme, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Il y a l'exemple donc de 269 Life, qui est une structure qui existe entre autres en France, une branche française, mais c'est surtout un collectif mondial. Alors, source Wikipédia, hein, je n'ai rien inventé de moi-même, hein, je suis simplement allé chercher un petit peu sur le net. Et donc 269 Life défend les droits des animaux, et c'est un collectif à but non lucratif avec qui existe sans statut déposé, hein. C'est un collectif citoyen en France depuis 2012, donc c'est pas quelque chose qui est arrivé là en 2017 ou en 2018, mais peut-être tu auras des choses complémentaires à nous dire, Lou, par rapport à l'historique de ce mouvement vegan. Et puis, il y a d'abord eu un mouvement en région parisienne pour la notion française, et ensuite c'est devenu une association, les statuts ont été déposés, eux, en 2015. Donc il y a eu vraiment une évolution entre le collectif puis l'association. Mais ce mouvement est né en Israël par le collectif 269 Life, qui tire son nom du numéro attribué à un veau sauvé des abattoirs. Ça, c'est pour le numéro 269. Rapidement, de nombreux collectifs reprenant la charte graphique et bénéficiant d'une patente se sont créés dans divers pays, et les fondateurs de 269 Life s'inscrivent dans le mouvement antispéciste et abolitionniste. Alors, il y a une différence tout de même notoire, c'est que là, je vous parle de l'association 269 Life France, qui est différente de la structure, je ne sais plus si c'est une association, je n'ai pas tout relu, on va dire le collectif 269 Libération Animale. Donc là, notre fameuse Tiphaine Lagarde fait partie de ce mouvement. Là où 269 Life France est pour des actions, mais pas des actions violentes, plutôt des actions pacifiques, 269 Libération Animale est pour les actions assez coup de poing, marquantes, voire à la désobéissance civile. Voilà. Alors, Julien, moi, je suis toujours sur le point numéro un qui tend à tenter de définir. Il faut. Voilà le véganisme. Tu nous as mis dans ton mail que c'était à contre-courant du mode de vie occidental. Oui. Moi, je te dis. Enfin, l'impression que j'en ai, c'est que c'est le pur produit du bobo de base, des années 2010, quoi. Non ? Non, alors si j'ai marqué entre parenthèses à contre-courant du mode de vie occidental, c'est surtout que nous, en tout cas depuis le Moyen-Âge, on est principalement, même intégralement, omnivore. Ah oui, voilà. Oui. Voilà. Moi, j'avais peur que tu te réclamais d'une tradition qui date du Moyen-Âge. Non, pas spécifiquement. Non. Non, moi je suis plutôt une hippie, mais ça vous le savez très bien. Alors forcément, je deviens un gros cliché, c'est vrai. Mais non, si je dis contre. Ça va dans mon sens. Non, en fait, c'est surtout, et j'ai perdu mes mots comme d'habitude. Voilà, Lou, le grand retour. Non, c'est oui, comme il est question de tradition, c'est vrai qu'on ne va peut-être pas trop en parler, ça, mais du fait que c'est compliqué parfois de changer de mode de vie ou de faire comprendre à autrui son mode de vie parce qu'il y a des traditions, parce qu'apparemment, enfin, parce que c'est normal, entre guillemets, de manger de la viande, donc cuisiner, enfin, des choses comme ça. Et c'est en fait contrecarrer un petit peu les traditions qu'on a depuis. Sempiternel. Oui. Exactement. Ouais. Ancestral. Mais tu vois, alors, est-ce qu'on peut parler de cette truffe? on a touché un sujet sensible, je pense. Clairement, là, enfin, c'est en rapport avec ce que tu as évoqué, là, l'espèce d'association mondiale, espèce de grand gourou associatif. Alors, on est bien d'accord que le mouvement est parti d'un animal qui a été sauvé de l'abattoir par des gens, et ils ont choisi de donner à leur mouvement le numéro du matricule de l'animal. Hein. Donc, il n'y avait pas derrière directement une philosophie inscrite, mais petit à petit, je pense, parce que je n'ai pas plus creusé que ça. Donc, d'où vient ce précepte de la truffe? Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce que ça vient de tes amis israéliens ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Oui. Alors, Julien, je vais juste te poser une question. Comment est-ce qu'on récolte les truffes? Alors, les truffes... Exploitation animale, bien vu. Ah non, Non, bien il y a d'innombrables... Ah, alors, mais ce sont toujours des animaux. Tu utilises des animaux pour aller chercher les truffes. Si tu considères que... Oui, un cochon est un animal et un chien est un animal. Tu sais qu'on peut chasser, on peut trouver des truffes à la technique de la mouche. Bah, les mouches aussi sont des êtres vivants. D'accord, mais elles ne sont pas très exploitées. on ne les tue pas pour atteindre... Oui, mais Même les chiens, qu'est-ce que... C'est de l'exploitation animale. Ils seraient où ces chiens-là si on n'était pas là? Mais ils ne seraient pas dehors en train de chercher des truffes pour notre bon plaisir. Et sachant qu'un chien... Sachant chien que la nuit, ce chien est sur ton canapé à perdre ses poils. Alors, je ne sais pas si tout le monde accepte son chien sur son canapé et à perdre ses poils. Ceci dit, pour reprendre l'exemple du chien, il faut rappeler que l'animal est dressé pour reconnaître l'odeur dès qu'il est tout petit, à renifler cette odeur et à l'apprécier. Ça veut dire qu'il va chercher quelque chose qu'il aime et il n'a pas le droit d'y goûter. C'est comme si, je ne sais pas quel est ton plat préféré, mais on te le met tous les jours sous le nez pour que tu apprennes à le retrouver. Et le jour où tu veux en manger, on te dit, bah voilà, va en chercher. Et au moment où tu le trouves, on te dit, non, t'y touches pas. C'est pour nous. Oh. Alors, moi, je te donne cet exemple-là. Je ne suis pas certain que ce soit que ça. Mais que le petit papy avec son chien et son béret, quand il va chercher des truffes, il lui donne un petit bout de truffe à la fin. On parle là d'exploitation, on parle de commerce. Non, mais d'accord, mais en termes d'exploitation, je ne suis pas sûr que ce soit le symbole de l'exploitation animale. Ah non, mais c'est... Non, mais ça en fait partie. Mais c'est toute une réaction en chaîne, en fait. C'est un effet domino. Ah oui, mais à la fin... C'est un peu comme le locavorisme. Que va-t-il rester à la fin de... Ah, mais c'est ça. Eh bien, plein de choses. Non, parce que on commence à toucher du doigt un côté sombre du véganisme qui, selon moi, c'est son extrémisme. Le côté obscur. Non, mais c'est de l'extrémisme, je suis désolée. Ça dépend, en fait. Attends, parce que l'affaire de la truffe, c'est assez extrême. Mais pourquoi? Mais parce que tu vas pas me dire que le chien qui part chercher des truffes, il est exploité. Mais c'est pareil, tu feras pas d'équitation. Pourquoi? J'imagine. Ben non, t'es pas censé faire des citations. Alors, est-ce que ça fait pas... Attends, il t'a pris de court, là. Est-ce que c'est dans les préceptes? Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir des préceptes. C'est-à-dire que tu pars du principe... C'est ce que j'ai compris. Hein. Je précise à l'antenne, je ne suis pas végane et je découvre le mouvement comme le commun des mortels. Hein. Tu ne vas pas dans les eaux? Voilà. Tu ne grimpes pas sur un cheval? Alors... Tu vas pas dans les eaux, dans les eaux, d'accord, oui. Oui, voilà, parce que ce sont des animaux qui sont enfermés. Ceci dit, je rappelle quand même qu'il y a certains zoos qui sauvent des espèces qui, sans les eaux, auraient disparu aujourd'hui, et qu'ils essayent justement de réintroduire les espèces. Mais ça, c'est le côté pervers, entre guillemets, de l'exploitation animale. C'est qu'à force de les avoir exploités et abattus, on est bien obligé de faire ça aujourd'hui. Enfin bon, passons. Mais le coût de l'équitation, oui, tout à fait. Et du coup, la grande question, c'est si on a un animal chez soi qui est un chien de garde, est-ce que c'est du véganisme ou... Non mais, tu vois, on peut aller très très loin. Moi, j'allais réenchérir, du coup, avec le petit chaton abandonné dans la rue. Mm-hmm. Si je le récupère et que ça devient mon chat de compagnie, mon animal de compagnie. Est-ce que ça rentre ou pas dans vos préceptes ? Ça rentre dans le véganisme parce que tu sauves sa vie, tu lui c'est donnes ça. Une seconde chance parce que les gens font ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, par exemple, donner une seconde vie à un animal qui est abandonné dans la rue ou en refuge, c'est plus pertinent que d'aller chercher un petit chiot en animalerie ça se trouve à une maladie, il va mourir 3 jours plus tard. Pourtant, c'est contradictoire. Tu t'acceptes Pourquoi qu'on garde à la maison un être vivant sauvage pour le domestiquer, pour le façonner à ton image et en faire une espèce de carpette. Je suis pas certain que le chat fasse partie des animaux dits sauvages. À mon avis, il fait plus partie de la catégorie des animaux domestiques. Ceci dit, je suis d'accord. C'est un prédateur dans la nature. Alors une vache. Une vache, tu la gardes pas dans ton, tu la fais pas dormir sur ton canapé. En fait, toutes ces espèces qui sont un peu apparues du fait de la sélection qu'on en a fait, c'est des purs produits de... Ah bah le chien, c'est la famille des loups, hein. Le chat, c'est la famille des félins, ce sont des prédateurs. Je pense qu'à un moment de l'histoire, il y avait des vaches sauvages. Mais tout à fait. À coup sûr, oui. Bien sûr. Donc la vache, comme les chevaux, comme bah non. Et non. J'ai jamais vu de vache en forêt. Tout à fait. Mais ça, c'est l'homme aussi qui a mis son grain de sel dedans. Quand tu as des animaux qui sont pacifiques et qui ne vont pas chercher à se défendre, c'est beaucoup plus facile de les exploiter. C'est vrai. On ne va pas faire de l'élevage de lions pour essayer de produire du lait de lionne. Hein, on va pas se battre. Je fais juste une petite intervention pour dire que j'ai reçu un texto de PJ. Ah, donc il nous écoute, c'est ça que tu voulais dire ? Je ne sais pas, mais il me dit « le son est correct, ça change ». Spécial dédicace pour Julien. Merci PJ. Bon, visiblement, ça le satisfait que je ne sois pas derrière la table. Bon, ça c'est un premier point. Je compte les points. Hein. Donc 1 pour PJ, 0 pour Julien. Bon, pour en revenir en tout cas à notre sujet, et PJ, si tu nous écoutes, n'hésite pas à glisser des petites phrases qu'on aime t'entendre nous donner, et nous les lirons à l'antenne pour pouvoir justement débattre dessus. Et puis, je vais laisser le soin à Lou de nous rappeler le numéro de téléphone de la station pour ceux qui souhaiteraient nous appeler. 03 29 62 40 40. Et vous entendrez la voix de Lou qui vous répondra au standard. C'est quand même exceptionnel. Alors, qu'il est 20h22. On va donc marquer une courte pause pour nous retrouver peu de temps après. Et j'imagine que ce sera pour évoquer le deuxième point, la tendance qui fait actuellement beaucoup parler d'elle. Mais est-ce que c'est si récent que ça, finalement, le véganisme ? Alors, je ne sais pas si on va s'attarder beaucoup sur ce point-là. On va peut-être faire un coup double avec le point 2 et 3. Mais dans tous les cas, on va s'écouter un premier morceau. Il s'agit de Run, Run, Run, de je ne sais pas qui, parce que Julien n'a pas indiqué les noms des artistes. C'est la seule que je connais dans la liste, c'est Phoenix. Ah, c'est Phoenix. Ouais. Ah bah tiens. Voilà. Alors on s'écoute Run, Run, Run de Phoenix et on se retrouve juste après. Et j'ai encore fait des bêtises. Inch'Allah. Décidément. Ah, c'est parti. Voilà. Business calls me, trouble down the waterfront. You know I tried to, now I'm running out of lies. It's a clear view when all you eyes getting paid. No more favors, I know what we can do about it. I think I better run. Falling, falling, falling, falling. sitting by the waterfront. I should be drifting, far enough to reach the shore. It's a clear view, don't you underestimate me. I know more flavor, I know that I can live without it. I think I better run, run. Mettre un jingle tout de suite parce que Lou ne sait toujours pas manier l'ordinateur de Julien. Alors, petit jingle. Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo. Et c'est de retour pour la suite de Débat Déo, toujours avec Gaël, Julien et bien entendu Lou. Et d'ailleurs, tiens, c'est bien que je mette mon téléphone en silencieux, pas qu'il sonne en pleine émission. Parce que n'hésitez pas à... réagir. À réagir, oui. D'ailleurs, je vois, non, c'est pas mes talons qu'on entend à l'antenne. Ne vous inquiétez pas, je suis à plat. On est toujours sur une émission qui parle de véganisme et pas de chaussures à talons. Non, non, non, désolé. Ce qui nous prouve qu'on est écoutés. Et oui, et n'hésitez pas. On a deux auditeurs ce soir. Deux qui s'expriment. N'hésitez pas à réagir, alors tant sur la page Facebook Radio Guémozo que par téléphone au 03 29 62 40 40. Alors en première partie d'émission, on a dégrossi en définissant le véganisme. Et s'il y a un point sur lequel, bon, je peux pas trop m'attarder parce que j'ai pas fait assez de recherches, c'est un petit peu une tendance qui fait actuellement parler d'elle, le véganisme. Mais est-ce que c'est si récent que ça? Alors je pense que Gaël, Julien, vous êtes tous les deux d'accord que le véganisme, on en entend beaucoup parler en ce moment. Mm-hmm. Et peut-être pas forcément en bien. Bah voilà, on en entend parler... exclusivement en mal ces temps-ci. Ces temps-ci, sûrement exclusivement en mal. Mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que c'est un mouvement qui a quand même fait une sacrée vague, parce que très rapidement, on a vu des choses, y compris dans les magasins, dans les boutiques, véganes. C'est vraiment marqué dessus vegan. Autant il y avait autrefois des trucs recommandés pour les végétariens, ouais, ou ce genre de trucs. C'est purement mercantile. Je suis d'accord. Ça surfe sur une tendance. Ça surfe sur une tendance. Mais ce que je veux dire, c'est que la tendance, elle est arrivée dans ce cas-là. Quand est-ce qu'elle est arrivée, ouais. Et quel a été son impact pour que les industriels la saisissent. Malheureusement pour vous deux. Qui êtes des gens de conviction et qui vous êtes là-dedans par conviction. Mais je suis pas dans le véganisme, hein, on rappelle. Ouais, oui, on est tous les deux végétariens. Non, mais de mon point de vue, c'est un tel effet de mode que moi je rapproche ça clairement de l'espèce de névrose collective qu'on a eue dernièrement avec le gluten. Putain, tout le monde était allergique au gluten l'année dernière. Ouais, c'est pas vrai. Putain, la moitié des rayons bio étaient sans gluten et ça s'est calmé. Visiblement, les gens ont la digestion plus facile. Quoi ? Parle mieux dans ton micro, s'il te plaît. J'ai dit quoi ? Non, parce que tu résonnes un petit peu. Il faut s'approcher du micro pour parler. Mais j'ai l'impression que ça sature très vite. Mais ça sature dans nos oreilles. Est-ce que Lou, tu nous entends saturer ? Est-ce que là, par exemple, tu m'entends saturer quand je parle ? Toi, ça va. Moi, ça sature, là, ouais. Oui, bah là, c'est parce que tu le fais. Il l'a fait exprès. Il n'est pas gentil. Non mais là ça va. Alors oui, tu parlais d'effet de mode. Bon, il y a quand même du sans gluten, mais il y a un effet de mode d'un côté, c'est vrai. Mais on en a parlé il y a 2 mois dans l'émission sur l'avenir de l'humanité. Il y a aussi une forme d'éveil des consciences sur la situation actuelle de notre planète et des autres espèces vivantes, parce que on n'est pas juste l'humanité et puis les cailloux. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite migrer assez rapidement sur le point numéro 3. Mais j'avais la question de savoir à quand remonte le terme véganisme, comment il s'est créé. Est-ce qu'on a des informations là-dessus ? Alors, j'ai pas pris le temps de prendre des notes, mais j'ai une excellente. T'as une excellente connexion Internet ? Non. Oui, si, mais je peux pas. Si, bah, de toute façon, je suis connectée à Internet avec mon téléphone et les 3 ordinateurs que j'ai sous le nez. Mais non, il y a une excellente chaîne YouTube que je vous suggère qui s'appelle Didi Chandouidoui. Il fait pas des vidéos que sur le véganisme, en fait, il parle plutôt de 5 théories sûres. C'est des vidéos sur des théories et parfois il fait des émissions sur le véganisme. Il a une excellente vidéo sur l'histoire du véganisme. Depuis quand ça existe ? 1944. Le terme vegan, oui. La Vegan Society. Oui. Mais ça vient d'où ? Alors, attends, peu après la fondation de la Vegan Society en 1944, l'importance de la vitamine B12 découverte en 1948 a été mise en évidence par la recherche médicale, notamment à travers une étude conduite par un chercheur adhérent de l'association Frank Wokes. C'est bien, enfin, parce c'est que ça retombe quand même sur ce dont nous parlions quand nous parlions de la première émission véganisme, on parlait de végétarisme, et on a parlé de cette fameuse B12. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé des compléments en B12, on va pas revenir dessus, hein, voilà, non, mais c'est pour dire que voilà, on retrouve quand même dans les origines du véganisme... La fameuse mousse au chocolat sans œuf, oui, que j'ai dégustée avec toi il y a assez peu de temps. Ah, elle est super bonne, hein ? Elle est pas mal, oui, avec le jus de pois chiche. L'aquafaba. À tes souhaits. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Julien, tu disais la... On s'égare assez rapidement ce soir. Oui, non, mais c'est pas grave. On est gourmand. La Vegan Society a été créée au 20e, on est d'accord. Mais est-ce que c'est parce que, selon toi, le véganisme n'existe que depuis le 20e ou pas ? Ah. Donc là, on parle là de quoi ? Du régime alimentaire ? Non. De la philosophie du véganisme ? On parle de quoi ? De la philosophie de vie. D'accord. Carrément. Oui, elle va loin, ça va loin. C'est une philosophie. Oui, ah, mais c'est une philosophie. C'est ce qui va nous emmener au point numéro 3, hein, de toute façon. C'est pour ça que c'est clairement... C'est tellement récent. Et c'est récent du fait, à mon avis, c'est une contre-réaction à l'industrialisation, à l'exploitation intensive, que ça soit de l'agriculture, de l'élevage, etc., successivement à la Première Guerre mondiale. C'est une contre-réaction à tout ça, de mon point de vue. Parce que vous autres végétariens... Alors, il y en a certains, c'est de fait religieux que... Alors, non, choix. Il y a les bouddhistes. Il y a les bouddhistes. Ah oui, d'accord, oui, ok. Et oui, tu chauffes. Quoi ? Tu chauffes. Je chauffe quoi ? Oui, j'allais te poser la question. Est-ce que justement le véganisme ne viendrait pas de l'Inde, de ces territoires-là, pas le véganisme. Chinois si, Non, si, le végétarisme. Non, mais moi je parle du véganisme là, hein, parce qu'on est vraiment sur l'émission du véganisme. Le végétarisme, il y avait, hein, on retrouve des traces dans l'Antiquité de certaines populations qui vivaient en ne mangeant pas de viande, etc. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, le végétarisme. Mais le véganisme, en soi, j'essaye de comprendre la philosophie d'où elle peut venir, et c'est vrai qu'on se rapproche d'une philosophie assez bouddhiste, quel serait le terme, hindou, mais... Justement. Là, on est dans le fantasme. Hein. Pourquoi ? À mon avis, c'est quand même... Le Wikipédia a parlé. Non, mais c'est parce tu parles du mouvement vegan, c'est-à-dire ce qui est arrivé dans notre occidentalisation. Avant, c'était pas du véganisme, c'était juste être végétarien. Non, on a bien expliqué. Il y a végétarien, il y a végétalien et il y a vegan, avec toute la philosophie qui va avec. Alors, je suis pas sûr que les. Alors attendez. Je suis pas sûr que nos amis indiens, hindous, bouddhistes aient un problème de truffes. Alors. Eh bien, figure-toi. que l'AIMSA signifie littéralement non-violence et plus généralement respect de la vie. C'est une philosophie indienne de la bienveillance. Merci Wikipédia. Ils nous font chier ces hippies. C'est un des berceaux du véganisme. Le terme, c'est quoi le premier terme? L'AIMSA? Oui, l'AIMSA. A-H-I-M-S-A. Mais il y a d'autres philosophies de vie qui s'y rapprochent. Il y a l'hindouisme, par exemple. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais il me semble que le taoïsme l'est aussi. Je sais qu'ils portent des masques pour éviter de manger des mouches au cas où c'est la réincarnation de leur famille. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces croyances qui sont dans ces territoires-là, il y a effectivement la réincarnation. Donc si tu manges un animal, tu peux manger potentiellement la réincarnation d'un parent, etc. etc. Donc on peut comprendre qu'il y ait aussi cette philosophie de ne pas vouloir exploiter l'animal, etc. etc. de par la croyance, hein, dans sa globalité. Alors est-ce que pour autant déjà, ça fait très longtemps, et même dans le bouddhisme aussi, le véganisme est répandu. Ça ne veut pas dire que tous les bouddhistes sont véganes, mais beaucoup sont végétariens, au moins pour un grand respect du vivant en général. C'est quand même, oui, c'est un mode de vie qui est beaucoup plus ancien qu'on ne le pense, même si il fait pas partie de l'humanité depuis ses débuts, parce qu'il faut rappeler que durant l'ère glaciaire, il a bien fallu, si tu crois que ça existait, il a bien fallu qu'on survive avec des peaux et de la mammouths. Viande. Bah oui. Voilà. Et là, je vais dire, oui, mais si on revient à un regard purement chrétien et créationniste de la chose, on était forcément végane à la création. Et oui, à la base. Hein, pour le christianisme, c'est obligatoire. Comment ça? Alors, un être humain créé parfait. Qu'est-ce que vient foutre notre... Quoi? Un être humain, si, parce que là on présente selon la théorie de l'évolution, effectivement, le véganisme n'est pas naturel d'origine. Ah, clairement. Oui. Alors que si tu regardes d'un point de vue purement créationniste, le véganisme est forcément par nature. Par créationniste, je ne suis pas très au fait de ces choses-là, c'est ceux qui ne croient pas en Darwin. C'est-à-dire, c'est ceux qui considèrent qu'il y a un dieu qui a créé une force extraterrestre, en l'occurrence, qui a créé notre univers et qui a créé la vie. Donc, le christianisme, normalement, fait partie de cela, de même que le judaïsme, comment on appelle ça, l'islam, etc. Et du coup, au niveau religieux, les premières modes d'alimentation, ça aurait été quoi, alors? Logiquement, si Dieu a créé un monde parfait et qu'il a dit à l'homme « tu mangeras de tous les arbres du fruit », de tous les fruits des arbres, sauf de l'arbre que je t'ai défendu, d'après la Bible, il était fondamentalement vegan. Eh oui. Alors, jusqu'à la truffe, hein, d'ailleurs, puisqu'on en parle. sans déconner, il n'y a aucune trace dans la Bible d'un quelconque individu mangeant de la viande. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je te demande, c'est une question. Je parle avant la chute, c'est-à-dire le monde parfait. Agneau de Dieu. Oui, oui, non, mais attention, là tu fais un mélange entre les choses. La Bible dit après le déluge, ouais. C'est même Dieu qui va dire, c'est marqué, j'ai plus les termes exacts, mais que finalement Dieu autorise la consommation d'aliments. Ça veut pas dire qu'ils n'étaient pas consommés avant. Ça veut dire que ce n'était pas entre guillemets halal, comme diraient nos amis musulmans. Ce n'est pas licite, ce n'est pas autorisé. Ce n'était pas autorisé. Donc voilà, et après, il y a eu toutes les lois qui ont été données au peuple hébreu sur quels animaux étaient considérés comme purs et comme impurs. Mais on va revenir sur le véganisme et sur ses origines. Si on devait chercher, en tout cas dans le christianisme, une origine au véganisme, on peut dire, à la base, dans la logique, eh ben, l'être humain devait être vegan. Maintenant, revenons à notre débat. Hein. Je ne voulais pas forcément faire une grande digression sur ce sujet-là. Non, mais pourquoi pas, au moins... Je le sens sceptique, hein, telle la fosse. Oui. Moi, je me suis écarté du micro de presque un mètre. je t'ai fait peur, Julien, excuse-moi. Non, mais bon, voilà, je préfère qu'on reste assez pragmatique sur le sujet. Et moi, je pense réellement que c'est un effet de mode. Alors, j'en veux pour preuve quelque chose. Voilà. J'étais sur la page Wikipédia du véganisme. Et j'ai un petit passage sympathique que je pense qu'on peut partager avec nos auditeurs, c'est les personnalités véganes. Mm-hmm. Alors, le saviez-vous? Je vais vous annoncer des noms de véganes célèbres. Hein. Mm-hmm. Pamela Anderson, oui. D'Alerte à Malibu. Oui. Vous saviez? Oui. Je ne savais pas, non. Elle a dit, passez-moi l'expression, récemment, dans Danse avec les stars, elle l'a exprimé. Désolé. J'ai regardé. Alors, il y a évidemment Émeric Caron, tu allais nous en parler, je crois. J'avais prévu de vous en parler, effectivement, tout à l'heure. On a Stomy Bugsy, le rappeur. Ah, alors ça, c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Quel jugement? Le côté rappeur bling bling, etc. C'est ça, on pense tout de suite au kebab. ok, j'avoue, j'y ai pensé. Alors, je suis encore en train. Lewis Hamilton. Ah, le pilote de Formule 1. Alors, je savais qu'il y en avait qui étaient végétariens dans la Formule 1 et dans le sport, mais lui, je ne le savais pas. Alors, je vous évite les gens vraiment pas trop connus, parce que Joaquin Phoenix, pareil, ça c'est... Un chanteur? Brad Pitt. Non, Joaquin Phoenix. Brad Pitt. Ça, alors, je le savais, Angelina Jolie, je savais qu'elle était végétarienne, peut-être pas forcément végane, je ne sais pas. Alors, on a le chanteur Moby. Moby, ok. Oui. Natalie Portman. Alors, elle était végétarienne avant le mouvement vegan, en tout cas, ça je le savais. Même végétalienne. Alors, pareil, là, les clichés de notre ami Gaël vont rebondir. Mike Tyson. Excellent. Non mais attends, on parle d'un mec qui était prêt à bouffer l'oreille de son adversaire quand même. Mais hein, il a craché. Je pense que depuis, il a fait vœu de chasteté dans ce domaine-là. Non, c'est étonnant. Enfin non, c'est pas étonnant. Il y a tout de suite une dimension... Une dimension très à la con quand même. Hein. Il te liste les gens connus, c'est un peu du prosélytisme. Quoi. Mais c'est une manière de dire que finalement, ça n'atteint pas que monsieur et madame, les hippies qui sont planqués dans leur cambrousse derrière leur... Derrière leur hutte ou j'ai oublié les tentes mongoles, comme on les appelait déjà. Les yourtes, merci, qui vivent dans leur yourte et coupés du monde. Non, c'est pas de ces gens-là dont il est question là. Quand on parle des noms que tu as cités, je ne vais pas dire que ce sont des gens qu'on croise tous les jours, mais quand on les voit à la télé, on ne pense pas à ça tout de suite, quoi. Voilà. Et ouais. C'est vrai que quand je suis tombé sur cette émission à laquelle participait Aymeric Caron, j'ai été surpris, mais je me suis rendu compte en me documentant que ce n'est pas un sujet nouveau pour lui. Il évoque ça depuis très longtemps. Mmh. Il l'évoquait déjà quand il était chez Ruquier. Tout à fait. Ouais. Et je pense que ça vaudra la peine d'en parler un petit peu plus tard. Mais on aborde un petit à petit finalement les intérêts du véganisme. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'un individu... Alors là, justement, pour reprendre mes critères de sélection, on va dire, quand tu me cites Mike Tyson, effectivement, je fais des yeux ronds. Mike Tyson vegan, cet individu dont l'animalité, la brutalité résonne tout ce qu'il y a de plus bestial, justement, on peut se dire, ok, mais quand? C'est quand il a arrêté la compétition. Non, on dit surtout que l'habit ne fait pas le moine. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Tout à fait. Mais ça veut dire aussi que les gens, on se fait des idées sur les individus, parfois, ou souvent, voire très souvent, et finalement, on ne les connaît pas. Des choses comme ça. Et si tu parles aussi de... on parle aussi de l'habit ne fait pas le moine. Je pense que vous connaissez tous les deux la série The Walking Dead. De nom, parce que je ne suis pas très série. Mais bon, moi, je ne suis pas très zombie. Donc Bon, au moins, tu vois de quoi il s'agit. Je suis très surpris. C'est une série post-apo ultra sanglante avec plein de zombies partout. Et durant les Peggy tournages... Peggy 16, quelque chose comme ça. Ouais, je crois. Il y a moyen. Enfin, oui, je peux pas voir toutes les scènes. J'ai pas réussi à regarder le premier épisode en entier, moi. La première scène avec cette personne au milieu d'une route qui se retourne en mode zombie dégueulasse. Ah oui. Ouais. Ben, en tous les cas, pour dire justement, désolé. Tu parles d'alimentation. Ouais. Pendant les tournages, ils mangent exclusivement végétarien, au moins. Oh. Parce qu'ils sont tellement saoulés de voir du faux sang et des faux organes partout. Végétarien pour tout le monde. Ah ben, ça leur a fait du bien. Bah, encore petite une cure. Fois, voilà, l'habit ne fait pas le moine. Peut-être à quand l'information sur le tournage de Game of Thrones qui est aussi 100% éthique. On verra ça bientôt. Ah ouais, oui, surtout bientôt la saison 8. Hein. C'est quand la saison 8? C'est à partir du mois d'avril. Aïe, aïe, aïe. Je suis assez impatient de savoir ce qui va se passer. On parle de véganisme, là. Excusez-moi de recentrer. Bon, ouais, allez-y. Les intérêts du véganisme, environnement, santé, éthique, justice, cause animale et non humaine et non humaine et antispécisme. Alors, ça, c'était le point numéro 3. Lou, Gaël, je vous écoute. Faites-moi une petite énumération de selon vous, les bienfaits. Les vertus. Les vertus. Oh, les vertus, c'est très... Eh bien, puisque la perche m'est tendue, je vais rebondir sur Aymeric Caron dont on parlait un petit peu plus tôt. Oui. J'ai découvert, hein, donc tout à fait par hasard. Il y a un lien avec l'intérêt du véganisme. Hein. Oui, tout à fait pendant les vacances. Il faut savoir qu'il a écrit en 2013 le livre No Steak aux éditions Fayard. En 2016, le livre Antispéciste aux éditions Don Quichotte, qui a comme sous-titre Réconcilier l'humain, l'animal et la nature. On reviendra sur le livre de 2017, puisque c'est lui dont il est question pour les intérêts. Et puis donc, très récemment, l'ouvrage Vivant, qui est sorti en novembre 2018, donc aux éditions Flammarion. Et donc, je reviens sur celui de 2017. Entre-temps, il en a écrit quelques-uns sur la politique, etc. Hein, bien sûr, Ça lui tient à cœur, quand même. Hein. Ouais. Entre autres, mais je précise aussi qu'il a écrit des bouquins. Ouais, il a écrit 4 bouquins là, sur la thématique viande, pas viande, etc. Mais très documenté. Et j'ai lu un petit peu les critiques grand public, hein, c'est-à-dire les gens qui l'avaient lu et qui disaient, ah ben finalement, voilà. Et ça reste des livres qui font un petit peu référence dans le domaine. Et donc, il y en a un qui s'appelle en 2017 Utopia 21. Alors, Utopia 21, c'est en fait le livre Utopia qui avait été écrit au XVIe siècle par un certain Thomas More. Et il a simplement fait une mise à jour de cette histoire-là, en l'appelant donc Utopia 21, et il y présente le projet d'une nouvelle utopie qui affirme l'urgence d'une société écologiste. Alors on va rejoindre un petit peu l'émission, il y a 2 émissions quand on parlait de la fin du monde, hein, l'avenir de l'humanité, et donc lui il propose une société écologiste, antispéciste, pacifique et solidaire, avec la semaine de travail limitée à 15 heures, le plafonnement des revenus à 10 000 euros par mois, la fin du scrutin majoritaire à 2 tours, on va en politique hein, là quand même, hein, l'instauration d'un permis de voter, la gratuité de l'information, l'interdiction de la spéculation, l'abolition partielle des frontières, la reconnaissance des crimes contre l'animalité, la limitation des naissances, l'instauration d'un quotient de bonheur à la place du PIB, l'instauration d'une biodémocratie. Ce monde qui ressemble à un rêve et pourtant le seul possible aujourd'hui, toujours d'après l'auteur, en tant qu'utopie, hein, bien entendu. Mais ça voudrait dire, selon lui, d'après la démonstration qu'il en fait, que si on avançait dans cette optique-là, on arriverait à réguler les problèmes de notre humanité. Donc, est-ce qu'il n'y a que du véganisme? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de philosophies du véganisme qu'on retrouve là-dedans. Oui, en effet. Et associé à d'autres philosophies. Mais comme quoi, ça peut aller même encore plus loin, puisque là, il y a un engagement politique hein, dans ce que je viens de lire. Ce n'est pas le mien, hein, d'engagement politique. Hein. C'est juste ce que j'ai lu. C'est la quatrième de couverture de son ouvrage. Hein. De mon point de vue, hein, qui ne suis pas dans ce mouvement, moi, je suis extrêmement écologiste, malgré tout. C'est bien de le rappeler. Non, voilà, c'est bien de le rappeler parce que tout n'est pas, de mon point de vue, tout n'est pas jeté dans le véganisme. Et ce qui moi, m'attendrit, on va dire, hein, pour ne pas... Voilà, ce qui m'attendrit dans le véganisme, c'est ça, c'est ce côté rapport à la nature, respect de la nature, comme on pourrait dire, quasi-décroissance, enfin, pas décroissance, parce que ça pourrait être un peu connoté gauchiste, que je ne suis pas, mais tu vois ce que je veux dire, Lou ? Oui, très bien. Non, mais... Parce que tu sais ce que j'en pense. Non, je parlais pas de ça. Non, mais du point de vue lien nature-homme, c'est sûr que le mouvement vegan dernièrement se nourrit de ça. Il y a quand même une crise planétaire qui est en train de se jouer, le réchauffement climatique. Il y a énormément de monde qui a conscience quand même de ces enjeux. Alors, pas pour autant qu'ils vont tous devenir vegan. Par rapport au réchauffement moi, climatique. Moi, 20 ans, je payais mon adhésion Greenpeace. Hein, donc voilà. Par rapport au réchauffement climatique, c'est une conséquence des dérèglements climatiques. Et le problème, ce sont ces dérèglements. Et pour avoir fait une émission avec des gens qui, justement, débattent beaucoup sur ce sujet-là à travers le monde, depuis 1850, je crois, on parle de dérèglement climatique. Depuis 1945-50, on commence à mesurer l'impact de l'activité de l'homme sur la planète. Depuis 1970, on tire de l'alarme. Depuis 1990, on a dépassé les bornes. Donc il y a beaucoup de choses, qui ont été dites par rapport aussi au dérèglement climatique. Et je pense que... est-ce que le véganisme est une solution qui a été proposée pour essayer de sauver l'humanité? Finalement, on arrive à la question 6 et on en parlera plus tard. Mais voilà, la citation, elle m'a plu, cette quatrième de couverture, ou du moins cette présentation de l'éditeur, parce que justement, je me dis, tiens, ça répond un petit peu à la question 6, et finalement, on a retrouvé des thèmes qu'on qu'on a abordé quand on a parlé de la situation de l'humanité, la limitation des naissances. On en a parlé. Il y a plein de choses qui ont été évoquées. Mais là, il y a aussi du politique là-dedans. Comme quoi, on parle véganisme et aujourd'hui, ils sont très audibles parce que c'est clairement dans les débats actuels sur les enjeux qui nous tombent dessus là aujourd'hui. La semaine dernière, ils ont annoncé leur projet de faire le lundi vert. Vous avez entendu le lundi vert ? Ça fait même pas une semaine qu'on en parle dans les médias. Oui, c'est le lundi sans viande. Sans viande ni poisson. Dans les écoles ? Sans viande ni poisson. Et donc oui. C'est ça qui est intelligent. C'est que du coup, contrairement à d'autres journées un peu trop vegan où ils vont dire pas de viande rouge, machin. Non, là, c'est viande et poisson. Donc en disant dès le début viande et poisson, ça ramène vraiment à la nature. Ça veut dire qu'il y a une surexploitation l'animal. De l'élevage, mm-hmm. que ce soit Ouais, voilà. Et oui, parce qu'en effet, figure-toi, là, je suis quand même allée fouiller. Petite fiche. Oui, enfin, vite fait, c'est le sommaire avec quelques gribouillis. Alors, il y a plus de 60 milliards d'animaux qui sont tués chaque année pour notre consommation, donc plus de 1900 par jour. C'est énorme. Tu parles de surexploitation. Oh, c'est à quelle échelle, ça, France ou c'est... Il me semble que c'est France, hein, 60 milliards. Alors mince, je me souviens plus de ma source parce que je l'ai perdue. Mais il me semble que c'est le passez-moi l'expression, le massacre entre guillemets. J'ai pas le bon terme. Préférerais le zoocide. Non. Bah si. C'est le nombre d'abattages à l'année en France. Donc combien tu as dit? Toute espèce confondue. 60 milliards. Donc tu comprends les petits lapins, petits pigeons, les petites cailles. Et cela, tu le ramènes au nombre d'individus que nous sommes en France, sachant qu'il y a aussi de l'exportation, patin couffin. Malheureusement aussi, il faut insister là-dessus, parce que moi j'ai cette vision qui n'est pas partisane côté vegan, mais plutôt partisan écologiste. Malheureusement, il y a eu des choix économiques de fait, par exemple en France, sur l'élevage intensif. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais l'élevage intensif de volailles en France a atteint... Bon, ça s'est un peu calmé parce qu'il y a eu une grosse crise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a les abattoirs, je ne sais plus, Père Dodu et compagnie, il y en a une paire qui ont fermé dernièrement. Parce qu'il y a eu un choix économique de produire énormément de quantité au détriment de la qualité. Et de surproduire au point que nos industriels français de la volaille sont allés inonder littéralement le marché africain, au point qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et compagnie, c'était moins cher d'acheter un poulet français que d'acheter un poulet local. Alors, est-ce que... Non mais là, c'est pour ça, moi je ne suis pas du tout vegan, mais ça pour moi c'est un enjeu. Oui, tout à fait. C'est un enjeu économique, parce qu'après on s'étonne... que l'Afrique en chie. On s'étonne, mais c'est nous, Français, qui, pour l'appât du gain et pour quelques dollars... La spéculation. Bien sûr. On va inonder un marché. Les exploitations africaines, les pauvres exploitations africaines... je vous laisse imaginer la tronche des exploitations. Parce que, parce que s'il avait fallu inonder le marché français... Elle clame cela là-bas. Ça aurait fait ça en France. Mais c'est pas ça, c'est qu'en France, le marché est déjà inondé. Le marché est déjà inondé. Mais enfin, le prix de la viande, il n'a pas baissé tant que ça. Mais parce qu'en France, justement, le en débat... En même temps, j'en consomme pas, donc je non, peux mais pas... Le débat écologique, le débat écologique en France, il est implanté. Il commence à faire autorité, le débat écologique. Au point que... la tendance actuelle, même des gens qui mangent de la viande, c'est de manger moins de viande, mais... Ou de meilleure qualité. Et de meilleure qualité. Ouais, ça, bon, moi, je vois ma consommation. Bon, j'ai pas faibli sur les pâtés lorrains, j'avoue. C'est le terroir. mais dans l'ensemble, c'est ce qu'on voit. Le PJ serait là, il vous parlerait du locavorisme. Tout à fait. La tendance aujourd'hui, c'est de manger mieux, globalement. Oui. Et toutes les tranches de population, que ce soit de la population aisée ou de la population un peu moins aisée, est concernée par ce changement alimentaire. Donc c'est une lame de fond. Mais c'est pas exclusivement vegan. Donc je suis désolé, messieurs, dames. Non. Non, mais tout à fait. Mais la cause écologique n'est pas réservée aux vegans. Mais c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Moi, ce que j'ai lu, en tout cas, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression que c'est à la fois un côté alimentaire, à la fois un côté philosophique et à la fois un côté écologique. C'est-à-dire que l'écologie va amener parfois de la philosophie, l'alimentaire va amener parfois de l'écologie ou de la philosophie, mais là il y a vraiment les trois réunis, et j'ai envie de dire dans une certaine forme, tu utilisais le terme d'extrême tout à l'heure, on peut le considérer comme extrême parce qu'il va plus loin que le standard qu'on est habitué à voir, que ce soit le végétarien ou le végétalien, il va plus loin. Bah, plus loin que, comment on pourrait dire, tu sais, le bruit de fond sociétal actuel. Mmh. Voilà, comme je te dis, le bruit de fond sociétal actuel, il est un peu plus tourné vers la nature qu'il y a 20 ans. Mmh. Il y a 20 ans, on n'avait pas cette sensibilité. Il y a 40 ans non plus. Il y a 40 ans non plus. Mmh. Mais voilà, c'est une lame de fond. C'est une lame de fond, l'écologie, ces temps-ci. Et moi, j'aimerais bien, après, qu'on discute aussi un peu plus du côté relation animale. Parce que là, je vous ai un peu saoulé avec mon histoire de nature. C'était mignon. Oui, mais ça me permet de tirer un peu la couverture vers... voilà, la relation animale, tu veux revenir sur le chat qu'on adopte Mais voilà. D'accord. Non, et puis surtout, la relation à la mort de l'animal. Oui. Eh bien, on va en parler dans quelques instants, si même on aura le temps de parler de quelques autres intérêts du véganisme, parce qu'on n'a pas eu le temps, de trop s'attarder dessus. Le morceau suivant, c'est MyCloud. Julien, tu connais pas l'artiste? Là, pour ce coup-là, je ne saurais pas t'aider. Eh bien, tant pis, c'est MyCloud et on se retrouve juste après. Oh, La radio qui ne ressemble à aucune autre. Et une heure de débat que vous êtes avec nous autour du véganisme. Un commentaire sur cette magnifique transition. Eh ben, franchement, elle aurait essayé de le faire, elle n'aurait pas réussi à le faire. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. C'est vrai. Ah ouais, c'était merci. Très bien. Ah ouais, j'ai cru que j'avais encore fait une bêtise pour changer. Ah non, c'était vachement bien. C'était bien. C'était très sympa, effectivement, et on est revenu dans le débat avec cette thématique. Et Julien qui nous avait lancé sur une question, ma foi, très éveillante. Je ne sais pas quel est l'adjectif. Non, je veux bien revenir, moi, sur le côté concret de la mort animale, en fait. Parce que c'est la relation à la mort animale. Voilà, c'est quand même un peu ce qui vous anime en priorité. Non, ne dis pas vous, parlons du véganisme, hein, parce que ouais, c'est chacun... Vous êtes végétarien, donc c'est malheureusement un point commun que vous avez avec les véganes. Ah, oui, c'est vrai. J'ai beaucoup parlé dans la première émission qu'on avait faite sur ce sujet, je me suis pas mal exprimé là-dessus, donc je vais maintenant laisser la parole à Lou. Ce n'est pas que je botte en touche. Mais qu'est-ce que tu veux, Julien ? Tu veux mon rapport au végétarisme, au royaume animal, peut-être ? Parce que dans la partie de notre émission qu'on est en train de poursuivre, là, on évoquait l'intérêt du véganisme, l'avantage. Donc, par rapport à la vie animale, quel intérêt par rapport à la vie animale, selon toi ? C'est pour limiter la multiplication des animaux ? Est-ce que c'est pour limiter l'abattage ou enfin, voilà, je... Alors, c'est compliqué parce qu'avec moi, bah, de toute façon, c'est toujours compliqué avec moi, mais c'est à y réfléchir, en fait, parce que avec moi, ça vient avec le temps, la réflexion vient avec le temps, avec les discussions, et je me suis rendu compte que c'est plus éthique et c'est plus juste aussi. Je pense que c'est important de parler de justice. Moi, j'aurais pas envie de venir au monde pour être bouffée, et je mets à leur place, en fait, je fais preuve d'empathie, c'est une qualité à laquelle l'être humain et sensible normalement, l'empathie et en fait c'est pas que je me suis mis à la place des animaux, c'est comme j'ai dit, c'est un cheminement très compliqué et très long avec moi parce que ça fait très longtemps que je voulais franchir le pas avant de réussir à devenir définitivement végétarienne, ce que je suis depuis combien de mois maintenant, attends, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça va faire 9 mois, j'ai du mal à compter mes doigts, c'est comme une grossesse. Et oui, donc là c'est vraiment ça fait moins d'un an que tu es végétarienne, définitivement végétarienne, parce que comme je te l'ai dit, je réfléchissais et à un moment j'étais pendant 2 ans flexitarienne, on en avait déjà parlé la dernière fois, c'est que je réduisais ma consommation de viande, je mangeais une fois par semaine de la viande jusqu'au jour où je me suis dit, enfin je me lance un défi, et puis bon, ben, le défi ne s'est jamais arrêté. Et oui, ça va très bien tout seul, après c'est une question de volonté, mais je ne sais pas si c'est un terme qui... Tu as maintenu le fromage ? Oui, pour l'instant, parce que c'est plus simple entre guillemets pour moi de manger comme ça quand c'est pas moi qui fais à manger, que j'ai pas le temps ou que j'ai la flemme. En tant que végétarienne, c'est dommage, mais les 3/4 des plats végétariens que je trouve sont à base de fromage, ce qui est embêtant. Mais si je me fais à manger moi, là, je crois 90-95% du temps, c'est vegan. C'est pas spécialement volontaire, mais c'est vegan. Ou en tout cas végétalien, voire à tendance végane. Oui, exactement. Et toi, Gaëlle ? Toi, c'est pareil, il y a une grosse consommation de fromage, j'ai l'impression. Hein. Grosse, non, mais il y en a. C'est-à-dire, si on compare à une personne qui, comme toi, on ne peut pas dire que je mange beaucoup de fromage. J'en mange, au même titre que les œufs. Je ne vais pas en manger 12 par semaine, hein, ce n'est pas la question. J'ai même plutôt une consommation assez régulée au niveau des œufs. Mais voilà, les sous-produits animaux... bon, le miel, oui, ça, par contre, j'ai tendance à aimer. Mais c'est pareil, je ne me bouffe pas 1 kilo de miel par semaine. Faut pas... c'est une consommation, tout ce qu'il y a de plus raisonnable. Hein, y a pas... le problème, c'est qu'on est souvent dans l'excès, dans la consommation. Et dans notre société, on a tendance de toute façon à manger beaucoup, et voire même à manger trop. On sort des fêtes, là, si on demande à nos auditeurs de nous faire la liste des menus qu'ils ont eus, et si on regarde à titre de comparaison, nausée, je crois, hein. Et puis même à titre de comparaison avec une semaine ou deux semaines en période, je vais dire, du mois d'avril-mai, avant que le soleil commence vraiment à chauffer, on se rend compte qu'en fait, on consomme vraiment de manière complètement différente et beaucoup dans l'excès, surtout quand arrivent les fêtes ou quand il y a un événement à célébrer, parce qu'évidemment quand on va parler d'événements sportifs, pour ne pas citer de nom, en 2018 la Coupe du Monde ou autre, il y a aussi des excès dans les consommations, dans ce genre de situation, et pas seulement consommation de nourriture mais également de boissons, et je pense que notre corps, même si on peut ingérer beaucoup, c'est pas parce qu'on peut ingérer beaucoup qu'on doit ingérer beaucoup. Alors ça, c'est une question qui me vient là, mais c'est vrai, le véganisme versus alcool. Bah, c'est à base de plantes. Alors, les véganes n'ont pas de problème avec l'alcool. Non, bah non. Sauf peut-être certaines bières, parce qu'il y a des bières maintenant où ils rajoutent, je crois, de la colle de poisson pour épaissir un peu. Oh, la tête que t'as fait. Mais figure-toi qu'elles sont... J'aurais dû prendre la photo. Voilà. Ouais, là, c'est vrai qu'on aurait dû prendre une photo, ça aurait valu de l'or. On aurait pu la vendre au prix fort. au minimum sur Facebook pour attirer des likes. Ah, mais... non. non, mais c'est pas une blague, donc la colle de poisson. Donc les véganes... Ils boivent pas de problème avec ça. Bah, oui, non, mais c'est, problème, on peut se poser pareil la même question vis-à-vis du tabac. Hein. Voilà, c'est et pourtant. Pour moi, la question du tabac, elle est quand même beaucoup plus compliquée. Ah, elle est plus marquée. Elle est plus marquée. Parce que déjà, c'est pas très écolo de fumer, tant pour l'environnement qu'après l'impact qu'après un mégot, il pollue, je crois, entre 200 et 500 litres d'eau, ce qui est colossal, mais aussi, ça je sais pas si t'es au courant, ils testent les cigarettes sur des petits beagles, donc c'est des chiens. Ah. C'est pas éthique non plus. Donc normalement, un vegan n'est pas censé fumer. Ben je pense pas, non, à moins qu'il fasse... On va loin quand même dans notre réflexion. Le problème, c'est que ça va très loin, parce que comme on l'a dit, déjà c'est tout un effet domino, et que voilà, ça va très loin, c'est vraiment ancré dans les mentalités, dans nos us et coutumes. Les médicaments sont pas forcément testés sur être humain à la base. Alors bon, vous êtes pas spécialement concernés, mais les cosmétiques... Le maquillage, il y en a énormément, surtout attention aussi, si vous êtes intéressé, n'achetez pas vos cosmétiques s'ils viennent des pays d'Asie, parce qu'en Asie il n'y a pas les mêmes réglementations, c'est obligatoire les tests sur animaux. En Europe par contre, ça a été abrogé, je crois, dans les années 2016, je crois, c'est quand j'ai commencé mon service civique ici. Donc il n'y a plus de lapins dans les labos officiellement. Oui, officiellement la vivisection est interdite, si je ne me trompe pas, où elle est en train d'être abolie. Mais voilà, après, ça ne veut pas dire qu'il y a du maquillage vegan partout, parce que ça aussi, il faut... Mais ça, c'est au niveau des cosmétiques. Il y a des cosmétiques non testés sur animaux, ce qui est le cas de ce que j'ai sur le pif, parce que je suis en train de vider mon stock. Parce que notre amie Lou est quand même bien maquillée. Enfin, dans le sens très maquillée, mais elle est maquillée et c'est bien fait. Voilà. Ah, voilà, tu t'es bien rattrapée. Et c'est ça que je voulais dire. Mais comme je le disais, voilà, il y a des cosmétiques, mais on parle de maquillage, mais il y a aussi gel douche, dentifrice, shampoing, voilà, coloration pour cheveux, qui sont testés sur non testés sur animaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle cruelty free. Mais parfois, il y a dans mon rouge à lèvres, par exemple, il y a de la cire d'abeille, et il y a des cosmétiques vegan. Et quand c'est vegan, ils sont par conséquent cruelty free. Je pense que c'est important de faire la distinction. D'accord. Tu as compris le terme cruelty free, non, ça va ? Non, mais je vous laisse. C'est sans cruauté. Merci Gaël. Non, je comprends, il n'est pas parfaitement bilingue. Donc Non, mais c'est important d'en parler, et je pense que ça peut être aussi une des choses sur lesquelles j'aimerais quand même, enfin, sur lesquelles j'aimerais peut-être sensibiliser un petit peu tout le monde. Ah, cruelty free. Ah, je viens seulement de comprendre. Ah, ça y est. Parce que moi, j'avais compris cruelty free. Je croyais que vous parliez d'un antifreeze vegan. Je vous promets. D'ailleurs, je suis encore à la recherche d'un antifreeze vegan. Alors, si vous en connaissez un, que j'ai pas besoin de faire venir par internet. Y a rien d'origine animale dans un antifreeze. J'ai un doute. Vu le goût et la couleur, je te dirais. Non, mais c'est pas seulement une question d'origine animale. C'est aussi une question de test sur les animaux, etc. Ça va loin. Non, tester, c'est bon. J'ai. Mais justement. Le lapin. C'est beaucoup les chats aussi. Avec un robot. C'est... Non, mais en fait, ça c'est une chose sur laquelle je voulais qu'on vienne vite fait, c'est la petite parenthèse qui est importante pour moi. C'est vrai que quand il s'agit d'alimentaire, c'est parfois difficile de franchir le pas parce que on a, en tout cas nous occidentaux, on a un rapport assez émotionnel à la nourriture. C'est généralement pour combler des frustrations et je sais très bien de quoi je parle. Je pense que mes boîtes de cookies, mes boîtes de pizza en période de contrariété le savent très très bien aussi. J'ai arrêté, moi. Non, t'as pas entendu. Rapproche-toi du micro. J'ai arrêté. Tu as arrêté de manger quand tu es contrarié? Bah, de façon compulsive des gâteaux, j'ai arrêté, moi. Ouais. C'est très bien. C'est un piège. C'est un piège. Donc c'est bien d'en être sorti. Bah, justement, c'est très bien. Et comme je le disais, c'est parfois pas forcément évident de se détacher de certains aliments. Par contre, il y a des moments où, ben, au pire, ça change rien à notre vie. Par exemple, ben, je vais vous parler de moi, parce que voilà, je suis pas un exemple en la matière, mais mon gel douche est vegan, mon shampoing est vegan, mon après-shampoing est vegan aussi. Elle a même un après-shampoing. Ben, je suis obligée, hein. T'as pas vu mes cheveux, mais c'est une cata, mais bon, on va pas en parler. C'est une extrémiste. Non, pas forcément, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça change à ma vie que ces produits soient vegan? C'est plus cher et tu te fais tondre par des groupes industriels qui abusent de ta... Ta bienveillance. Non, figure-toi, non. Je voulais dire crédulité. Crédulité, exactement. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas plus cher que ça. Moi, j'ai un gros bidon de presque un litre de gel douche qui me coûte 9 euros, alors que dans le commerce, tu trouves des petits trucs mini rikiki qui coûtent 3, 4, 5 euros. Elle n'a pas tort. Moi aussi, j'ai acheté du savon Naturalia et compagnie, mais... Non, mais on t'a après... pas dit d'aller choisir un naturel. On n'a pas, voilà, pas le droit de donner de marque, on va donner 3 autres ou 2 autres. C'est combien il faut en donner 3 pour récompenser? Biomonde... Et Biocop. Ouais. Ben voilà. Comme ça, on a. On va dire en magasin de régime, comme on disait autrefois. Hein, ils appelaient ça comme ça? Ouais, autrefois, on appelait ça les magasins de régime où il y a les coopératives bio. Enfin, magasins bio. Ouais, on va dire les magasins bio. Bah, dans tous les cas, on va peut-être continuer à en parler. Mais bon, je sais que tout le monde, à son échelle, a un éveil des consciences sur la situation de la planète et veut peut-être. Essayez à son échelle, à son niveau. Si vous êtes intéressé par le véganisme, mais que vous ne pouvez pas forcément commencer par l'aspect alimentaire, bon, s'il y a un aspect où ça change vraiment rien à votre vie, c'est tout ce qui est cosmétique, enfin, voilà quoi, là, ça change vraiment rien à votre vie. Ben, à la maison, on est deux à avoir un gel douche vegan, alors, franchement, on n'est pas mort. Pourquoi le faire si ça change rien? Bah parce que c'est plus éthique et que nous, ça change strictement rien à notre façon éthique, de vivre. Etc. En fait, quand je veux dire ça change rien, on n'est pas frustré d'avoir un gel douche du commerce normal. C'est ça, nous, à notre impact... Sceptique. Non, alors autant j'ai pas de problème à me dire, je vais dans un magasin de régime. dans un magasin bio. J'avais jamais entendu cette expression. Alors... Autant j'ai pas de problème à aller dans un magasin bio pour acheter, on va dire, comme tu disais, un grand bidon de savon, tu sais, le savon des familles à l'œuf, marqué Nature et Progrès, par exemple. Là, j'ai aucun problème, parce que je connais les valeurs qui sont derrière Nature et Progrès, qui sont les plus avancées en termes de normes et de labels écologiques. Il faut savoir que c'est beaucoup plus loin que tous les labels qui existent. En termes de biologie, oui. Exactement. Mais que le logo vegan friendly, j'ai de sérieux doutes. Mmh. Alors, de un, parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire. Mmh. Tu en es sûr? Ah, j'en suis quasiment certain. Ah, elle a creusé le sujet. Elle a creusé son sujet. Ah bah non, elle n'est pas bête parce que ça fait surtout très longtemps qu'elle est dedans. T'as regardé ça? Ouais. Bah oui, forcément, il y a des logos et approuvés. Il y a le vegan avec un grand de V et en une... fleur, là, ouais. Ça, c'est officiel logo vegan. Et quand c'est cruelty free, normalement, il y a deux ou trois logos. Alors, où c'est le Leaping Bunny? Alors, ça veut dire quoi? Ils payent? Comment? Parce que Nature et Progrès, c'est une association. Enfin, c'est ça, hein, je crois. C'est une assoce. Hein, c'est très. Oui, c'est privé, entre guillemets. C'est allemand à la base, non? Ouais, je pourrais pas te dire. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, ce sont les producteurs et les éleveurs, donc les agriculteurs qui. Demande à entrer sous ce label, ça coûte aux producteurs pour obtenir le label. Donc parce que ils viennent vérifier, ils vérifient tous les ans. Il y a un cahier des charges qui est très très strict. Très, très strict. Il est vérifié régulièrement. Donc oui, ça coûte de le mettre en place. Est-ce que tu as ces garanties là dans ton label vegan? Alors je les ai pas sous les yeux, mais il me semble qu'il faut quand même répondre à ces critères. Un cahier des charges. Alors parce qu'il faut pas confondre. Malheureusement, il y a ça aussi. Hein. Mm-hmm. Faut pas confondre vegan. et bio et équitable, ah etc. Oui, non, malheureusement, malheureusement, il y a quand même cette comment on pourrait dire, cette amalgame. Cet amalgame qui est favorable aux produits véganes ces temps-ci, mais il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus, hein, les écologistes de la première heure dont je fais partie. Il y a des gens qui ont fait des études sur les produits véganes et il a été prouvé qu'il y a tout un tas de saloperies chimiques là-dedans. Les produits chimiques, visiblement, les véganes, ils n'ont pas de problème avec ça. On ne s'est pas penché sur la question du bio, mais c'est vrai, tu fais bien de le dire, ce qui est végan n'est pas forcément bio. Ah. Et là, ça me déçoit. Parce que moi, je suis extrêmement bio. Je suis extrêmement bio. Je dépense des fortunes dans le bio. Même pour le pâté lorrain ? Non, j'ai fait une exception tout à l'heure. Non, mais toi aussi, oui, t'es sensible au bio. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je mange quasiment que bio. Mm-hmm. C'est très bien. Non, mais pour dire. C'est un geste écologique de toute façon, déjà de base. C'est, je pense que c'est, ça montre aussi une certaine conviction dans une certaine forme de retour à la nature. Tu parlais de la proximité à la nature et je pense que le biologique est déjà beaucoup plus respectueux, même dans le domaine de l'élevage d'ailleurs, même si c'est pas vegan. Il y a beaucoup plus de respect de l'individu, il y a beaucoup plus de respect de la plante, il y a beaucoup plus de respect de la terre, des nappes phréatiques, de tout. Hein, c'est... Alors, comme quoi ? Comme quoi les véganes ont le monopole peut-être de la cause animale, mais sont très loin de la cause écologique. Alors pas de la cause écologique, mais de la cause biologique. Je suis d'accord. Mais est-ce que... Alors moi, je vais poser la question autrement. Moi, je n'entends pas parler de pesticides. Non, mais justement... Je n'entends pas parler de néonicotinoïdes. Hein? Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça le problème. Hein. Et pourtant, les pesticides détruisent quand même les habitats de nombreux êtres vivants. La macrofaune et la macroflore, c'est important de le préciser. C'est un fait que je n'ai pas fait de recherche sur véganisme et pesticides. Toutefois, je rappelle que si vous êtes intéressé pour un monde sans pesticides, n'hésitez pas à souscrire ou à signer l'appel « Nous voulons des coquelicots » créé depuis septembre 2018. Ils ont déjà franchi les 450 000 signatures. Ah, c'est cette feuille. On a une feuille encore dans nos studios. Si vous voulez écrire de manière physique, vous pouvez toujours passer. Je crois qu'on la signe à chaque émission. Je l'ai signé une fois, je me suis engagé. Et cette feuille se trouve dans nos studios, au 8 place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Étienne-lès-Miremont. Tu es toujours sur la feuille, c'est la même. Je tiens à vous signaler que cette feuille, au milieu du studio Guimozo depuis plus d'un mois maintenant, ce qu'on avait signé le mois dernier, il me semble, hein, n'a réussi à comptabiliser depuis notre présence du mois dernier que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Uniquement 18 signatures en mois. Tu nous parles de quel mois là ? Le mois de décembre où il y a eu les fêtes, c'est ça ? Où il y a eu moins de présence au studio ? Néanmoins. Où il y a eu une fermeture de la radio pendant une semaine ? Néanmoins. Néanmoins. C'est parce que t'es plus là. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'elle est plus là. Quel dommage. Tout s'explique. On cherchait la cause, on l'a trouvée. Ouais, revenons-en à nos truffes. Il y tient beaucoup. Hein. Ça faisait partie un petit peu du point 3 sur la cause animale, en effet. On en a quand même parlé. En fait, il faut, on a besoin de l'aide d'autres animaux pour éviter de m'écrire des SMS quand je parle, c'est gênant. Influençable. Non, mais surtout, elle est très facilement distrayable, si ce mot existe. Elle n'est pas difficile à distraire. Alors, on a besoin d'animaux pour récolter des truffes, ça tu le sais. Je pense que tu sais aussi quel est l'intérêt aussi animal de l'huile de palme. On va pas parler de l'aspect écologique, mais animal. C'est-à-dire ? T'es pas au courant pour l'huile de palme ? J'avoue que là, j'ai un petit bug. Ah. Oh, vous non plus, vous n'êtes pas au courant. J'avoue que ça m'a échappé. Raconte. Eh bien, le plus simplement du monde, c'est qu'il faut détruire un nombre incalculable de forêts pour créer des champs d'huile de palme. Mmh. Et ces forêts abritent énormément d'animaux, espèces en danger, surtout l'orang-outan. Des espèces endémiques, etc. Voilà, énormément, mais c'est vrai que l'espèce dont on entend le plus parler, c'est l'orang-outan, mais il y en a bien entendu d'autres. C'est un proche cousin, d'après Darwin. C'est aussi une espèce qui est vraiment en grand danger. Ça aussi, j'aurais dû prendre la photo de Gaël qui tire la langue à Julien en plein studio. Mais quel dommage qu'on n'ait pas de webcam. Ça nous prouve qu'il y a quand même une bonne ambiance dans cette émission. La webcam est prévue, hein. Donc il va falloir que je m'habille un petit peu mieux et que je me coiffe. Merci de m'avoir prévenu pour le mois prochain. Que tu te maquilles aussi, comme ça tu feras des progrès pour être à mon niveau. Il y a du boulot, il y a du boulot. Merci Julien, merci d'appuyer et d'enfoncer le clou. Alors oui, c'est là qu'on parlait d'aspect animal, on n'a pas vraiment parlé d'aspect environnemental ou éthique. Si, enfin, en si, tout cas pour si, l'huile de palme. Ah oui, oui, non, mais on a quand même parlé de l'aspect nature, etc. C'est pour ça que moi je faisais le rapprochement avec la cause écologique, la cause biologique. Et pour moi, il y a aussi une cause sanitaire hein, derrière tout ça, parce que quand on mange, moi, ce qui fait aussi que le végétarisme m'a convaincu, c'est que la santé est complètement différente. En effet, ça fait partie des points que je comptais aborder. J'ai la source sur un de mes nombreux onglets, mais apparemment, manger végétarien, voire même par extension vegan, diminuerait les chances, risques. Les maladies cardiovasculaires. Exactement. Il y a plein de choses qui rendent cancers. C'est pas si évident que ça. Alors je me suis renseigné, c'est pas si évident. Alors, simplement parce que, voilà, moi, pour parler de ma situation, moi, j'ai aussi un régime alimentaire assez tordu. Je mange aucun sucre, comme tu es au courant. Enfin, j'essaye, sauf dans les pâtés lorrains. Voilà. Et puis dans les périodes de fête. Et dans les périodes de fête. Mais par exemple, il y a beaucoup d'études qui ont démontré qu'une alimentation sans sucre avait beaucoup plus de vertus qu'une alimentation sans viande. Alors, bon, étonnamment, toutes les études qu'on fait sur l'alimentaire, c'est tout le temps un régime sans quelque chose. Mmh. On se pose rarement la question de que donne le régime naturellement, avec tout. Il est 9h20, hein, je suis désolé, on commence. Ouais, on commence à fatiguer. Mais je pense que ça, tu sais que c'est prouvé, les viandes rouges. Ah, les viandes rouges, c'est cancérigène. Voilà, ah oui, sont cancérigènes. Clair, c'est alors, clair. Je vais faire mon petit, encore une fois, ma petite prévention. Ce n'est pas parce qu'on a un régime alimentaire plus sain qu'on élimine tous les risques. Hein, ce n'est que les réduire. Alors, c'est une forme de prévention. Alors, Mais on l'a vu aussi sur des maladies neurodégénératives. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les personnes âgées sont accueillies et ne se nourrissent que de manière végétalienne. Donc, on est proche du véganisme. Et les études ont été faites sur plusieurs années. Ils sont alimentés sous la contrainte. Non, c'est leur choix. Hein, ils viennent là. C'est un type de maison de retraite, si tu veux, où les personnes... Non, ils viennent là par choix, parce qu'il y a un équilibre de vie qui est bien plus agréable. J'imaginais la scène où ils se faisaient enfermer là-dedans et qu'on leur donnait à manger que des légumes. On est au 21e siècle, hein, on n'est plus au 16e siècle. Et qui ont fait ce choix-là, et les populations vivent plus longtemps, vieillissent beaucoup plus. On dépasse le nombre de centenaires là-bas est assez énorme. Et les maladies cardiovasculaires, il n'y en a quasiment pas. Les maladies neurodégénératives, il n'y en a quasiment pas. C'est en comparaison, hein, on ne fait des tests que par rapport à des échantillons. Alors, de population. De ce que je sais de l'écologie et de la durée de vie, etc., le record mondial, c'est quand même sur l'île japonaise d'Okinawa. Oui, il me semble que c'est à Okinawa qu'on a la durée de vie statistique ou la quantité, le ratio le plus élevé de centenaires au monde. Hein. Il me semble. Et maintenant, on peut dire « avait ». Pourquoi ? Parce que la population est en train de se mettre au régime alimentaire occidental. Non, mais dû à un changement de régime, ils sont en train de perdre toute l'avance qu'ils avaient sur les autres. Tout en ayant une alimentation avec beaucoup de poissons, etc. Il y a Fukushima qui est passé par là. Justement, c'est exactement ce que je pensais. Le poisson est peut-être légèrement radioactif maintenant. Non, mais c'était le cas avant Fukushima. C'était le cas, j'imagine, également avant les guerres que l'on a connues et les horreurs qu'elles ont pu mettre au jour. Mais en tout cas, pour dire que oui, il y a des expérimentations qui sont faites dans différents coins de la planète pour voir si on peut améliorer notre style de vie. Et effectivement, non, on ne deviendra pas millénaire, non, on ne vivra pas jusqu'à 200 ans, ce n'est pas ça l'objectif. C'est juste de voir si on mange simplement plus sainement, donc là on parle de santé publique, qu'on peut réduire. On dit que pour vivre plus longtemps, il faut faire de l'exercice physique. Ben oui, notre corps a des muscles, si on ne les fait pas travailler, les muscles, ils s'atrophient. C'est naturel, je veux dire, on n'a pas inventé l'eau chaude quand on dit ça. Donc, exerçons nos muscles, et le cœur est un muscle, et l'estomac en fait partie aussi. Alors, est-ce qu'on va passer son temps à le distendre, ou est-ce qu'on va passer son temps à le faire travailler dans ce pourquoi il est prévu pour travailler ? Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on consomme trop. Dans nos sociétés occidentales. J'ai extrêmement faim, tout de suite. Et pourtant, on avait mangé avant. Hein, figure-toi, mais bon. Julien, un auditeur a réagi. Il a dit que tu es un homme bien parce que tu aimes les pâtés lorrains. On a donc de vrais lorrains qui nous écoutent. Et oui. Ça tombe bien, on est en Lorraine. Hein. C'est important. C'est encore que la Lorraine a tendance à disparaître, donc sauvons le pâté lorrain. Et souvent le patrimoine. Non mais alors, et en plus, il y a toute une diversité de pâtés lorrains. On se fera peut-être une soirée spéciale pâtés lorrains, dégustation. Vous me prévenez, hein, comme ça, c'est pas la peine que... Non mais alors, moi, ce que j'adore, en fait, dans le pâté lorrain, c'est l'accord entre le feuilletage et le jus de viande. Ouais, Julien, t'as vraiment faim, là. Non, alors franchement, j'aimerais qu'on se jette. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé un bout de viande. La dernière fois que j'en ai eu un au bouche, j'ai failli vomir. Oh, là, je te promets, c'est impressionnant. Chaud. C'est impressionnant. Je pensais pas que ça me provoquerait ça. J'aimerais qu'on se jette, parce qu'il est déjà à 25, et qu'on oui. se jette sur le point 4 avant une pause musicale. Alors moi, j'ai besoin qu'on me l'explique. Parce que alors, la convergence des luttes. Ah oui, bah justement, je voulais qu'on y vienne. C'est un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, la lutte écologique, hein. Justement. C'est alors, en ça que je vois la lutte, la convergence, moi. Hein, après. Alors justement, oui, Julien, comment est-ce que tu définirais la convergence des luttes ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, de mon point de vue, hein, parce que souvent on va entendre cette expression convergence des luttes dans un contexte autre, à savoir des gauchistes font lien avec des gilets jaunes qui font lien avec des fachos. Donc ça, on va dire que c'est une convergence des luttes. Mais quand on va dire que tous les extrêmes sont pareils, c'est ça ce que tu veux dire ou... Mais ça veut dire que non, ça veut dire qu'ils se sont tous dit on va taper sur Macron, ayons tous la même lutte. Mmh. Voilà. Alors, attends, c'est pas le sujet de ce soir. C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais l'écologie et le lien à la nature. Dans le sens où le véganisme, il a cet atout, c'est qu'il va dans le bon sens en termes d'écologique, et il est dans l'air du temps grâce à ça. C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup au véganisme ces temps-ci. Ça entre en résonance avec un problème de société. Et puis surtout une prise de conscience, comme je disais tout à l'heure, une lame de fond écologique qui bouleverse toute la société. Là, tout le monde parle d'écologie. Je vous rappelle, il y a quelques mois, de la démission de Nicolas Hulot, qui est avec Perte en et Fracas. L'écologie est partout maintenant. Moi, vraiment, la première grosse incursion dans l'écologie au niveau politique, pour moi, à mon âge, ce que j'ai vécu, c'était Europe Écologie, aux Européennes de je ne sais plus quelle année. C'était un bouleversement. Ils avaient fait un score monstrueux, et Cohn-Bendit et compagnie avaient fait un super coup, parce qu'il y avait une offre qui correspondait vraiment à une demande d'écologie. Alors pourquoi est-ce que ça marche moins aujourd'hui ? Mais parce que qu'on est encore dans une situation encore pire. Alors parce que les gens sont saturés. Mais dans leur situation à eux, ils se sont déjà fourvoyés. Je parle pas seulement d'eux, hein, je parle en règle générale. L'écologie politique a grave merdé. Mais je pense que Nicolas Hulot répond aussi à cette question. Le problème, c'est que quand on allie politique et écologie, on se retrouve confronté aux lobbies. Et ces lobbies-là ont une telle pression, un tel pouvoir sur les politiques, que passer par les politiques pour obtenir de l'écologie, à mon avis, on fait fausse route aujourd'hui. Dans l'état actuel du système. Malheureusement. Je vais utiliser un terme que j'aime pas. Dans l'état actuel du système. Non, alors, le problème, c'est pas forcément l'état actuel du système. Le problème majeur, à mon avis, de ça, c'est que l'intérêt supérieur, c'est pas l'écologie. L'intérêt supérieur, c'est de remplir sa gamelle pour manger. Hein. Donc, c'est l'emploi. Eh ouais, c'est l'emploi. Ah, tu parles de l'intérêt actuel, parce que en termes politiques, là, on s'est un petit peu éloigné du sujet. Non, mais parce que là, on parlait de l'écologie, on parlait de la convergence des luttes. Pour moi, voilà. Le véganisme arrive en point de mire de différentes luttes, ça se rejoint en point de croisement. Tout à fait, mais il y a toujours une barrière infranchissable, comme on disait avec notre ami Hulot. C'est que, voilà, il y a une réalité, c'est que la priorité numéro un de nos politiques, et ça peut se comprendre, la regarder avec les gilets jaunes, la priorité numéro un, c'est pas la planète, c'est le travail, c'est l'emploi, c'est que tout le monde puisse manger, alors, un minimum. Oui et non, parce que si le besoin c'est que tout le monde puisse manger un minimum, j'ai envie de dire, on n'est pas dans un pays où on meurt de faim. J'entends la fin. On va reprocher au reste du cœur, voilà, au secours qu'il y a catholique. Reste voilà. Du cœur, parce que sinon, non, mais on leur reproche de nourrir le peuple, ce qui n'est pas le cas. Mais d'une certaine manière, elle joue son rôle. Tu nous entends toujours, Lou? Oui, je vous entends très bien. C'est on a un petit bruit. Ouais. Non, j'ai eu un pain, moi. Oui, pareil. Moi, j'ai rien eu. D'accord. Bon, bah, c'était que chez nous. C'était localisé dans le studio. On n'est pas au bon endroit, tu vois, Julien. C'était mieux dans la régie. Je disais quoi? Oui, on parlait non, je sais plus de quoi je parlais du coup. On parlait de convergence des luttes. Alors, hop, je peux peut-être reprendre les rênes à nouveau. Comme vous l'avez compris, alors la convergence des luttes. Ben oui, ça se trouve, c'était intéressant, mais t'as perdu le fil. Et contrairement à Lou, peut-être que t'as pas les techniques pour retrouver le fil de ce que tu disais. Alors non, mais par contre, j'étais venu exprès avec le dernier numéro de Que Choisir. Hein, ce que je trouve d'intéressant dans Que Choisir, oui, parce que tu parlais d'emploi et tu parlais de nourrir les populations. Et justement, je trouve qu'il existe des on n'est pas dans un pays où on meurt de faim, c'était ça ce que je disais. Parce que une personne qui a faim, d'une manière ou d'une autre, peut trouver une aide pour se nourrir. Ouais. Attention, tu comprends bien ce que alors, je veux dire. Attends, on meurt pas de faim, mais on meurt de froid. Ah, j'ai pas dit le contraire. Te dire que la misère, l'absence d'emploi et de revenus, c'est une cause nationale. Je ne fais que répondre à la phrase dans laquelle tu as dit de l'emploi pour se nourrir. Oui, mais voilà. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Je reviens pas là-dessus. Je voulais juste dire que on a la chance d'être dans un pays où j'ai envie de dire la nourriture ne manque pas. Donc d'un point de vue social, sociétal, la nourriture ne manque pas. Après, d'un point de vue économique, personnel, on va pas tous manger du caviar tous les jours. Déjà, moi, j'en mange pas, c'est déjà réglé. Mais voilà, il y a des niveaux d'alimentation. Et je trouve dans le Que Choisir de ce mois de janvier, les marques alimentaires, ce qu'elles sont prêtes à vous faire avaler. Alors, ce que j'aime bien avec ce magazine, c'est qu'il se veut indépendant. Et on va trouver des enquêtes très intéressantes dans le domaine alimentaire. On a eu récemment, c'était, il me semble, l'année dernière ou il y a deux ans, le Nutri-Score. Où ils avaient mis en place un système pour dire aux gens si ce qu'ils achètent, ils peuvent le consommer tous les jours ou s'il vaut mieux éviter de le consommer tous les jours, c'est-à-dire une fois de temps en temps, ok, mais pas tous les jours. Eh bien ça, les industriels n'ont absolument pas voulu rentrer là-dedans parce qu'ils se sont rendus compte que tous leurs produits étaient soit trop gras, soit trop sucrés, soit trop salés. Et donc, ils seraient tous retrouvés en rouge. Donc, tous les industriels sont entrés dans un lobby où il y a de la désinformation avec ces petits encadrés où il y a marqué X pourcentage, comme quoi, en fait, ça ne couvre pas tous nos besoins en sucre, donc on peut y aller, ça ne couvre pas tous nos besoins en sel, donc on peut y aller, ça couvre pas tous nos besoins en graisse, donc on peut y aller, mais cumuler les uns avec les autres, et ben ça multiplie par X le nombre de sucre, de sel et de graisse qu'on est censé avoir. Donc c'est vraiment complètement ahurissant. Alors même cette information me donne très faim. Bah, décidément. Donc ça veut dire qu'il faut marquer une pause. Oui, on va marquer une pause. Avec le temps qui nous reste, je ne sais pas si on en écoutera beaucoup d'autres, mais il y a un morceau que je voulais vraiment qu'on écoute la dernière fois et que je vais nous faire écouter ce soir. Il s'agit du morceau anti-vegan de Didi Chandoudoui, justement, qui est lui-même vegan. Alors je vous laisse découvrir le morceau et on se retrouve juste après. Sa poissonnerie a été vandalisée. Depuis quelques mois, ce genre d'agression a tendance à se multiplier en France. Près de 200 ont été recensés envers ces commerces de bouche. Pour ces deux bouchers charcutiers, c'est l'incompréhension et l'écœurement qui dominent face à ces actes de vandalisme. Des magasins arrosés de faux sang ces dernières semaines, des vitres brisées, des murs tagués de l'inscription stop aux spécialistes. On a une militante végane qui, elle, s'est réjouie de la mort du boucher du Super U de Trèbes. Nous ne sommes pas contre. C'est pas un débat pro-viande ou anti-viande. Si on a écrit au ministre, c'est parce qu'il y a une vraie dérive. Aujourd'hui, les bouchers de France demandent la protection de la police contre le vandalisme végan. Tu détruis des boucheries dans Paris. En plus, faire un délit, si tu veux mon avis, tu fais le contraire de ce qui doit se faire. Dans un enfer où tout le monde croit encore qu'on a dans notre corps une carence en fer. Le monde vomit sur les véganes, tu sais, pas étonnant quand on voit ce que tu fais. Tu pleurniches tous les jours sur Twitter. n'est pas l'hippogriffe de Potter. La justice, ce n'est pas une fable. Ce que tu fais n'est pas justifiable. Tu crois que toi et tes glands allaient changer le pays. Ça donne juste aux gens une seule bonne envie de se mettre à bouffer un bon poulet curry. Maintenant stop la baston et puis mange tes lentilles. Compare pas ce que tu fais à la prise de la Bastille. Pas besoin de violence pour stopper la viande. Ta propagande me rappelle une époque trop allemande. Hitler se disait VG alors qu'il tuait les animaux des juifs. Un peu comme toi qui se dit pour la paix mais qui fait son shérif. Pour Godwin ? Affirmatif. Être vegan, c'est tendre la main aux animaux, donc à tous les humains. Ne pas fendre un chemin, ne pas se prétendre sain. Répandre l'aube du matin, sois malin. Arrête d'être hautain. T'as pas eu envie d'être vegan en faisant plaquer pas les connards sur ma cadavre. Tu ne peux pas d'un claquement de doigts changer le cosmos car t'es pas Thanos. Les gens savent bien que c'est bien pour le bien de la planète et de la santé. Ils sont pas bêtes, laissons le temps de se préparer. Le problème c'est que quand vous venez à la NASA, car notre galaxie s'appelle la Voie Lactée. Tu donnes une image violente, un mouvement basé sur la non-violence. Est-ce que t'y penses? Ce que tu fais n'a aucun sens. À cause de gens comme toi, bientôt le monde sera. Subway, le serveur se met à stresser. Y'a plus de steak aux légumes à servir aux VG. Angoissé, il me demande de lui pardonner. Il dit qu'on s'en fout que j'allais pas déboîter. J'ai pas besoin de vous pour pouvoir m'éclater. À cause de vous, on nous déteste. On fuit les vegans comme la peste. Non, je ne retourne pas ma veste. Je suis pour la paix, puis fuck le reste. Vous nous décrédibilisez en débitant des débilités. Vous vous dites militant, imitant une tare que vous voulez limiter. Taré. Alors je gueule, voyez-vous, je suis pas votre homme, bande de fous. Je suis pas le seul contre vous, ça me fout le seum de vous faire la moue. Vous seriez prêt à faire usage à votre propre avantage sur de pauvres otages d'un pistolet d'abattage planté sur des visages. Laissez pas votre carnage saccagé par l'orage du cyclone de votre âge. Ainsi éclore la connerie, ainsi s'éclore la boucherie par une mutinerie. Il y en a déjà des litres de l'autre côté. Et je me prends pas pour le messie, merci. Je suis passe-barbu, fixé à ses clous. Je ne vous mets pas la corde au cou. Ce que je vous propose, c'est un bon barbecue. Ha! Brandissons qu'allumer de la paix. En unisson, allumons interpaix. Comme un hérisson, soyez circonspect. Comme un saucisson, maintenant ferme ton clapet. Pas sûr de cette dernière punchline. Si, enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de te faire avaler la tasse, kick in your ass, un coup dans ta face, mais my mercy prevails over my wrath. À cause de gens comme toi, bientôt le monde sera. Anti-vegan! Anti-vegan! Anti-vegan! Anti-vegan! Et tout de suite, un petit jingle pour cette dernière partie. Le débat Déo, Déo, Déo, Déo. Radio Gémozo, 107 FM, la radio qui ne ressemble à aucune autre. Eh oui, vous êtes de retour sur Radio Gémozo, 107 FM, toujours pour cette dernière partie du débat des hauts avec Julien, PJ qui nous écoute de loin, et Gaël. Eh oui. Alors c'est vrai qu'on est la seule émission qui mentionne ses auditeurs. Hein. Alors on a PJ qui nous écoute, et il y a ton mec aussi qui nous écoute. Oui. On ne citera pas de nom. Non, pas pour l'instant. Mais dans tous les cas, pas à l'ordre du jour. On est toujours dans une émission centrée sur le véganisme. On a écouté juste avant une chanson qui a été écrite par un végan. C'est important de le dire. Une chanson qui s'intitule Anti-Végan. Alors, est-ce que vous l'avez un petit peu écoutée tous les deux ? Oui, oui, c'est une chanson en fait qui a été écrite suite aux attaques qui ont été menées dans les différentes boutiques type boucherie, etc. On en parlait lors de notre première émission. Hein. J'ai pas trop compris. Lui, il revendique que c'est une connerie d'avoir destroyed. Tout à fait. Ouais. Oui. Il revendique que c'est une bêtise parce qu'il dit à cause de vous. Tout le monde sera anti-végan, anti-végan, oui, et on entend à mort les véganes, etc. Parce que, à cause de ce genre d'individus, la cause végane, elle perd son sens. Et c'est là, je le disais un peu plus tôt dans l'émission, la différence jaunes, entre hein. le 269 Life France et le 269 Libération Animale. C'est pas la même philosophie, ce ne sont pas les mêmes objectifs, ou du moins pas les mêmes moyens d'accéder à l'objectif. Alors c'est là qu'on en vient un petit peu, alors on va sauter l'étape de la convergence des luttes, c'est pas grave, alors, vu la tête à Julien ce n'est pas dramatique, mais est-ce que en effet être végane ou est-ce que le véganisme signifie être parfait ? Je ne sais pas si on peut déjà apporter certaines choses, mais je pense que vous l'avez bien compris, un vegan a gueulé contre des véganes qui profèrent des violences, hein, parce qu'à la base, le véganisme, c'est un mouvement de paix, mais pour tout le monde, et là, c'est un petit peu la guerre contre les êtres humains. Alors, je pense que vous l'avez bien compris, les véganes ne sont pas tous d'accord entre eux, parce que bah, Julien posait la question en début d'émission. Non, il n'y a pas de précepte, d'espèce de bible du végan. En fait, avant toute chose, c'est chacun fait en fonction de sa conscience, parce qu'il y a autant de définitions du véganisme qu'il n'y a de véganes sur cette terre. Je trouve franchement que l'exemple de tout à l'heure avec la truffe est un excellent exemple pour illustrer ce propos. Il y a forcément quelqu'un qui a dit « Ah, il faut interdire la truffe !» Parce que franchement, c'est tiré par les cheveux. Eh bien... Ah, c'est quand même tiré par les cheveux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun rapport avec l'exploitation animale. Mais est-ce que... Eh bien, Julien... tu vas nous dire qu'il faut arrêter les champignons de Paris. Si c'est fait sur du crottin. Non, mais dans ce cas, Julien, je vais te poser une question. Est-ce que tu refuserais de vivre dans un monde sans truffes ? Si c'est une question qui t'obsède tellement ? Je pense qu'il aime beaucoup ça, en fait. Alors, c'est bizarre, c'est pas bon. Je refuse de devoir imaginer un monde sans... quelque chose qui fait partie intégrante de ce monde. Attention, on n'a pas dit de faire sans. C'est-à-dire que la truffe, avant qu'on la consomme, j'imagine qu'elle devait servir à quelque chose dans notre écosystème. Et j'imagine qu'elle sert encore à quelque chose dans l'écosystème. Donc c'est pas faire sans. Hein. On n'a pas dit qu'on allait détruire la truffe pour ne pas qu'il y ait de trufficulteurs. Non. Quand les herbivores sont apparus, les herbivores ne se sont pas posé la question de « Oh merde, je vais peut-être pas manger l'herbe parce qu'elle sert à quelque chose dans ce monde hein. ». Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, et là, c'est le même raisonnement. Pas la question. Tu vas pas me dire que la truffe, il faut. Oula, attention, la truffe a peut-être un intérêt dans l'écosystème. Il faut pas que vous le mangiez. Toi qui es hyper connecté, va chercher quand date l'apparition entre guillemets de la truffe. À partir de quand on a commencé à en consommer ? C'est sempiternel. Oui, mais comment ça s'est fait ? Et tu verras dedans comment. C'est les papilles du Périgord qui. J'imagine qu'il y en a pas que dans le Périgord de la truffe. Donc qu'il doit y en avoir dans d'autres pays, sur d'autres territoires et d'autres manières de la récupérer. Pas de la consommer, déjà de la récupérer et de voir si c'est toujours avec une, et je reprends l'expression. Je pense que la purée de pommes de terre à la brisure de truffe, c'est vrai que c'est assez universel. Ah non, mais la truffe, c'est un truc magnifique. Je savais qu'en fait, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça touche à l'émotionnel, l'alimentaire. C'est ça le problème. C'est qu'on touche vraiment à l'émotionnel. Clairement, je ne vois pas le rapport avec la cause animale. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Tu te souviens de ce dicton quand même ? J'ai faim. Quoi qu'on dise, il a faim. Alors, je tiens à préciser que comme monsieur ne mange pas de sucre, nous avons ici un magnifique pavé aux pommes et cannelle qu'il ne consommera pas. Et nous avons également ici un magnifique croissant qu'il ne mangera pas. Donc, il a faim et il a de la nourriture sous les yeux. Et mais il ne mangera pas. On a la réponse d'un auditeur, un des deux auditeurs de l'émission. Mais s'il y en a d'autres, rameutez-vous. N'hésitez pas à vous manifester. Le numéro de téléphone du standard, il nous reste encore un petit quart d'heure. Alors 03 29 62 40 40. Ou sinon la page Facebook Radio Gémozo. Et donc cet autre auditeur qui n'est autre que ma moitié disait « ce n'est pas tiré par les cheveux ». Alias ne pas manger de truffes, c'est dans la suite logique du mouvement vegan, pas d'exploitation animalière. Et dis ça, t'es pas végétarien. Oui, je suis au courant, je suis la mieux placée pour le dire. Bon, alors, moralité, je ne suis d'accord avec aucune de ces deux moitiés. Mais pas forcément, en fait, c'est ce que je disais. C'est pas le fait d'être d'accord, c'est le fait que le mouvement vegan dit tout ce qui nécessite autre chose que l'être humain ou ses compétences, c'est-à-dire que si on doit faire appel à un animal, eh ben, c'est que c'est pas à faire comme ça. Après, tu vas me dire, mais attends, mais comment on a fait pour faire l'agriculture pendant des siècles pour nourrir notre population ? Ben, c'était avec des animaux, il y avait une forme d'exploitation animale, je suis d'accord. D'où la naissance de paradoxes, pour moi, au sein du mouvement vegan, parce que je voulais quand même en parler, parce que je rappelle, je suis pas vegan parce que j'ai l'alimentation qui n'est pas végétalienne. Après, dans mon mode de vie et ma mentalité, je pense que je suis quand même pas loin du véganisme. Mais comme je le disais déjà, tous les végans ne sont pas d'accord. Hein. Il y en a beaucoup qui se... On parle de ça comme les Rastafari, tu sais. C'est culturel, c'est très culturel tout ça. Pas forcément, non. Mais je trouve que c'est intéressant ce côté du paradoxe parce que si on retourne à la terre, si on retourne à la nature, si on retourne à tout ça, à un moment donné, on va dire, bon, bah ok, on jette les tracteurs, décroissance, etc. Donc il faudra bien revenir à la traction animale, etc. C'est ça, donc, c'est vrai qu'il y a cette forme de paradoxe qui rentre dans le véganisme si on le pousse à l'extrême. À un moment donné, on se retrouve face à... On est parti par les deux bouts de la planète et on se retrouve de l'autre côté. Alors, non, mais et surtout, là, je tiens à vous rappeler que la domestication animale, elle date de la naissance de l'agriculture. Oui, bah justement, et c'est plus écologique, c'est ça en fait, les paradoxes. Ça date. Alors avant toute chose, paradoxe numéro un, qui moi m'est venu dans notre ère normale là, vous savez, le carburant, on en a tous besoin. Le carburant, ça vient du pétrole. Le pétrole, ça vient de quoi ? Ça vient de végétaux qui sont décomposés. Et d'animaux. Végétaux et animaux. Oui, alors, est-ce que consommer du carburant, c'est vegan ou pas ? La quantité animale est infime. Ah, même si. Là, on parlait d'aller très loin. Moi, je vais très loin si dans les paradoxes. Bout, si on va jusqu'au bout du paradoxe, eh ben oui. Ça va loin. Tu sais, on n'en a pas fini. Non, mais c'est pour on ça, n'est c'est pas pour un que... paradoxe c'est près. Hein. Non, mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut faire une distinction entre là, ce que tu évoques. Pour moi, ça montre qu'on est à l'étape du trop loin. Un animal qui meurt, on ne l'exploite pas. Non, c'est un fait. Mais en fait, moi, je voulais juste dire à quel point, enfin, qu'il y a peut-être certaines limites, parce que ça, on va y venir aussi au... Bah non, en fait, j'insiste sur la truffe, pour moi, la limite est franchie avec cette truffe. Je suis désolée. Mais va manger quelque chose. Il a faim. Paradoxe numéro 2, on parlait d'agriculture justement. Le fait d'avoir un tracteur ou une voiture ou quoi que ce soit de motorisé, c'est pas très écolo. Et le véganisme, j'en en ai pas trop parlé, c'est une convergence des luttes. On essaie d'être plus éthique pour les humains. Donc par exemple, les enfants qui vont à la mine pour nos chers téléphones avec une pomme dessus. On parle aussi de féminisme, d'ailleurs, qui pourrait peut-être être un jour le thème d'une émission. Et forcément aussi, ça peut être... Profitons-en, on en a un qui est absent. J'ai voulu, il me semble que c'est la personne qui n'est pas là qui voulait pas qu'on le fasse. Puisqu'on en parle. Ah, bah tiens. Par extension aussi, c'est un mouvement, enfin, c'est pas forcément parfait, mais quand on parle de convergence des luttes et de cause d'autres animaux, humains et non-humains, on pense aussi à de l'écologie. Alors forcément, le paradoxe, est-ce que je vais plutôt utiliser des animaux avec une petite carriole pour être beaucoup plus écolo dans ma démarche d'agriculture, ou est-ce que je vais prendre un tracteur qui pollue ? Voilà, paradoxe numéro 2. C'est ça, encore une fois. Et si on cherche, je crois qu'il y a aussi avec des bougies. Les bougies à la cire d'abeille sont purifiantes, tandis que... Non mais pour ta chariote, c'est plus simple, faut faire comme à l'époque des Égyptiens, faut prendre des esclaves. C'est vrai que ça serait tellement plus écologique et tellement plus éthique, non ? Je pense qu'on pourrait trouver quelques esclaves, quelques civilisations non développées à exploiter. Non, ça serait pas plus mal. Non, non, voilà, moi je suis pas du tout là-dedans, vous l'aurez remarqué. Hein. Bon. Mais en fait, c'est ce que je dis. Sans enthousiasme. Il y a des paradoxes, ouais. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des limites. Et ça aussi, Didi Chouin-Douidoui a fait aussi une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que vegan veut réellement dire ? Eh bien, il s'est rendu compte, et même si je ne suis pas vegan, je pense que je peux quand même en tester, si être vegan veut dire être parfait, personne sur cette terre n'est vegan. Au moins, là-dessus, on est d'accord. C'est Julien qui applaudit et c'est moi qui parle. Voilà, c'est important de le préciser. Comme je le disais il y a encore quelques minutes, il y a autant de définitions et d'applications du véganisme qu'il n'y a de véganes sur cette terre. Il y a, j'ai entendu parler de véganes qui pêchent leur propre poisson. Même si c'est surprenant, mais le poisson, il a vécu sa petite vie jusqu'au jour où. Et il y a des véganes qui consomment les œufs de leur poule parce que les œufs pas fécondés, la poule n'est pas exploitée. Voilà, elle pond de toute façon. Surtout qu'il y a le risque qu'elle se mette à les consommer. Aussi, oui. Et c'est assez mauvais pour elle, il me semble. Ah, ça, je sais pas. Moi, je sais qu'elle mange les coquilles. Comme il faut surtout pas lui donner du poulet à manger. Non, mais c'est vrai. Ah bon ? Ah oui, il faut jamais donner. Omnivore, une poule. Ah oui, parce qu'après, elle risque de se... Non, t'as lu ça où ? moi je dis fake news, mais à confirmer. Hein. Ah bah qui sait, on ne sait pas. Enfin, du moins moi je ne sais pas. Mais voilà, dans tous les cas, comme je le disais. La poule cannibale. Alors, si. Parce que dans le sommaire de l'émission, oui. Visiblement dans le point 5, là où tu nous parles de la perfection et du véganisme, tu parles de désaccord entre véganes. Oui, c'est ce qu'on disait avec la chanson anti-vegan, par exemple. Ah oui, comme quoi il y a plusieurs tendances. Même d'accord. Entre véganes, ils ne sont pas d'accord. Si on reprend l'exemple du végan qui pêche ses poissons, l'autre va lui dire « Mais attends, non, tu ne dois pas consommer de chair animale, puisque du coup, tu tues un animal pour te nourrir, alors que tu peux très bien te nourrir sans tuer. » Donc, ils ne sont pas forcément d'accord. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pour le respect du cycle de vie animal, et il y en a qui sont pour le respect de la vie animal. Donc ce sont deux choses qui sont qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Et donc ça peut créer des désaccords comme ceux qu'on a vus avec ces véganes qui ont détruit ces boucheries et qui pour moi ne représentent pas l'essentiel du mouvement végan. Mais comme c'est le plus flagrant, le plus visible, ou comme le discours qui nous avait été diffusé en lancement de notre première émission sur le véganisme avec cette femme qui compare l'exploitation animale au génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'Holocauste, je dois dire que ça, pour moi, ça ne représente pas le mouvement vegan. Ce sont des porte-parole d'un mouvement, mais pas du mouvement vegan. Comme tu disais, il y en a plusieurs. Toutefois, je me permets une petite précision par rapport à ce que tu as dit sur... Oui, elle est en train d'être enregistrée, t'inquiète pas. par rapport à la Shoah, apparemment, beaucoup de personnes qui ont réussi à sortir vivantes des camps de concentration n'ont plus pu consommer de produits animaux par simple empathie et sensibilité. Alors, est-ce que on va appeler ça une Shoah, un génocide ? La question n'est pas là, mais au moins j'ai fait mon petit point là-dessus. Alors, pour rester sur ce petit point-là, je voulais juste sortir une petite phrase, justement, du fameux Aymeric Caron, écrivain et journaliste, qui dit « Les viandales, donc les consommateurs de viande, c'est le terme qu'il emploie, ce n'est pas le mien. » Les viandales. Les viandales. Vandales, viandales, ça a une connotation très préjorative, voire agressive. En général, on dit viandales. Oui, mais là, c'est viandales. Et ce mot, ce n'est pas le mien. Donc, les viandales ne sont pas tous des salauds, mais ce sont tous des assassins. Ça, c'est une phrase qui est sortie de son livre, le dernier en date, Vivant, qui est paru en 2018. C'est une phrase pour réagir, extrême, hein. On est bien d'accord. Extrême. Ah mais, on est d'accord. Mais le véganisme est une forme assez extrême dans sa philosophie et dans son regard. Après... Jusqu'à quel extrême doit-on aller ? Si je reprends ce que je vous citais tout à l'heure par rapport à son livre Utopia 21, on est aussi dans une forme d'extrême, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine... C'est l'extrême de tous les extrêmes, c'est-à-dire que t'es pas avec lui, t'es contre lui, quoi. Alors là, il dit ce ne sont pas tous des salauds, mais ce sont tous des assassins. Assassins. Et faut reprendre ce que j'ai apprécié dans sa présentation, c'est qu'il a repris la définition exacte du mot assassin. Assassiner, c'est ôter la vie à un individu qui n'a pas demandé qu'on la lui ôte. Voilà. Donc, à partir de là, on peut considérer qu'il s'agit d'un assassinat. C'est prémédité, et qui est prémédité. C'est un acte prémédité. D'un point de vue pragmatique, c'est une forme de... Enfin, c'est une participation ou c'est comme une acceptation. Toutefois, par contre, on ne va pas accuser toutes les personnes qui mangent de la viande. Non, c'est la phrase. Voilà. J'ai bien noté phrase choc sur mon papier parce que c'était pour mettre dans le débat à un moment donné, pour justement susciter le débat avec Julien. J'espérais aussi avec PJ. Il est moins 5. Là, je n'ai pas l'énergie. Tant mieux, comme ça, au moins, j'aurais pu la placer tranquillement. Mais voilà. Et là, je pense que il ne s'agit pas là d'un paradoxe, il s'agit peut-être là d'une limite. Il y a un moment où ça fait violence quelque part, ce discours, et cette violence, on n'est pas toujours tous prêts à l'entendre, parce que moi, quand je lis ça, sur le coup, je me suis dit oui, c'est pas complètement faux, mais je trouvais les termes très violents. Ah oui, non mais c'est pas parce que je mange de la viande que je suis un assassin. Enfin. Bah quand tu cautionnes par ta consommation... C'est d'un point de vue pragmatique, C'est purement pragmatique. Cautionner n'est pas agir. Bah, tu payes des gens pour le faire pour toi. Ah oui, non mais... C'est assez déroutant quand même. Tu es commanditaire. Je ne suis pas commanditaire. Et si j'achète ma viande en boutique bio, tu sais, les petits beefsteaks emballés dans du plastique hors de prix... Vous avez tous connu ces beefsteaks en boutique bio. Bah, écoute, c'est quand même du produit de qualité. Est-ce que ça a ôté la vie à un individu ? C'est pas moi qui le demande, non, en fait. Non, mais tout à fait. Mais autant que je suis la cause. Bah, est-ce qu'il a été tué, cet individu ? D'un autre côté, c'est vrai que si Julien ne l'achète pas, ça n'aura rien changé. La bête sera morte quand même. Mais s'il n'y avait pas de consommation animale, il n'y aurait pas eu... Alors, tu comprends ce que je veux dire ? Attends, non mais c'est intéressant. Quid ? C'est dommage, c'est parce qu'il nous reste 5 minutes. Quid ? C'est toujours les 5 dernières minutes que... Les plus importants. Quid du chasseur-cueilleur ? Du chasseur-cueilleur, tu parles de l'époque historique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux pas pêcheurs. Pas forcément. Imaginons une tribu amazonienne qui chasse... qui cueille et qui participe à son écosystème. Exactement. Mm-hmm. Mais ils n'ont rien de vegan. Oui, mais ils n'ont pas de supermarché avec plein d'autres produits à leur disposition. Parce que nous on n'est plus dans ce monde-là, malheureusement. Mais oui, c'est ça. Mais c'est pas moi qui maîtrise ça. Je ne vais pas, pour rentrer dans votre logique, pour pouvoir continuer à manger de la viande, je ne vais pas devoir m'exiler en Amérique du Sud pour vivre au milieu de la forêt amazonienne. Non, tu fais ce que tu veux. C'est important de préciser les choses. Là, on a aussi un paradoxe. C'est que vous avez une certaine tolérance pour ces tribus, et maintenant vous trouvez que la raison, c'est pas. Attention, c'est parce qu'ils ne sont pas industrialisés. Je ne me réclame pas du mouvement vegan. Je ne fais que citer des choses et donner mon point de vue par rapport à la chose. Mais par rapport à la consommation de viande, vous êtes dans la même famille. Par rapport à la consommation de viande. Moi, tu es libre de faire de ta vie ce que tu veux qu'elle soit. J'ai pas une vie d'assassin. Tu n'as pas une vie d'assassin, juste de commanditaire. D'ailleurs, on m'a dit aussi bio ou pas, on l'a tué. Point. Le terme bio n'excuse rien. C'est on important. Est bien de d'accord. Préciser. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'à partir du moment où tu as ôté la vie, donc on remercie cet auditeur actif de notre émission. Oui. C'est le même paradoxe que tout à l'heure. Que malheureusement, tu vas acheter de la nourriture végane, elle sera pas bio. Alors, on peut retomber dans ce paradoxe. Et c'est pour ça que je ne cautionne pas le mouvement vegan. Je le constate. Et dans le constat, je me dis, est-ce qu'ils ont raison là-dessus ? Est-ce qu'ils ont tort ? D'après moi, et j'ai le droit de me faire une opinion. C'est les mêmes crapules qui vous confectionnent des plats préparés vegan, avec un beau petit logo, qui vont fabriquer des Oreos. Hein. Donc, les pires saloperies qui soient. Il paraît que les Oreos sont vegan. Alors là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'en mange. Il y a une étude américaine qui s'est amusée à faire des expériences avec des rats. Bon, alors pareil, c'est pas très vegan friendly. Du tout. Mais en tout cas, c'était une expérience scientifique fondée, statistique, etc. Ils ont pris des rats et ils ont mesuré leur accoutumance à certains produits. Ils ont constaté que ces rats avaient une accoutumance et une addiction beaucoup plus élevée avec l'Oreo qu'avec la cocaïne. Le sucre est une drogue. Alors non mais je ne plaisante pas. Moi non plus. Et je suis scotché. Tu regarderas la composition de l'Oreo, c'est extrêmement sucré. Mmh. Et c'est exclusivement des sucres raffinés, il n'y a quasiment pas de farine. Je ne sais plus c'est quoi l'espèce de liant qu'il y a là-dedans, mais il n'y a quasiment pas de farine. Et c'est vraiment que du sucre. Et le sucre vient chatouiller dans notre cerveau des parties qui sont à l'origine des sentiments du plaisir. Et visiblement, le rat en est l'exemple type, de façon beaucoup plus violente et de plus extrême que de la cocaïne, qui est pourtant une drogue très, très puissante. Le lobby du sucre est d'une puissance que l'on n'imagine pas. Alors, bientôt pour une prochaine émission, ne serait-il pas mieux de consommer de la drogue plutôt que du sucre? Alors, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, il nous reste encore des choses. Au final, est-ce la solution? Pourquoi est-il quand même pertinent de s'y intéresser au véganisme? Je trouve que se poser les questions qu'on s'est posées aujourd'hui, c'est quand même intéressant. Après, libre, on le rappelle, parce que tu nous as un petit peu opposé à toi, mais on n'est pas en opposition, on est en constatation, là, on débat sur des choses qu'on observe. Moi, je me suis positionné par rapport à ma consommation de viande, mais je ne suis pas en train de me positionner par rapport à la consommation qu'en font les autres. Chacun est libre et je ne juge ni ne condamne personne. Donc ça, il faut que ce soit important, que ce soit dit. Je pense que Lou est dans la même dynamique. Et puis, après, je pense que c'est pertinent de s'y intéresser, au moins parce qu'il y a des valeurs derrière qui, à mon sens, peuvent résonner aujourd'hui avec une lutte écologique, avec une lutte pour un avenir de notre planète, etc. Quel sera le thème de notre prochaine émission? Justement, je pense qu'on n'est pas encore certain du sujet. Parce que ton sujet me fait un peu peur. On en parlera hors antenne. Mais c'était, comme d'habitude, un plaisir partagé, je l'espère, de passer la soirée avec vous. Et une petite dernière dédicace à PJ, tu nous as manqué, parce que franchement, c'est pense que tu aurais apporté pas mal à ce débat. Ah oui, beaucoup de choses très intéressantes. C'est dommage, j'avais prévu de parler un petit peu de locavorisme en parlant de différentes solutions. Je pense que je ne retournerai pas de l'autre côté de la vitre. Je suis bien ici. On est bien. On est bien de ce côté de la vitre. Alors, on est bien installé. Alors, entre nous, soit dit, on en profite là. Ça sera en plus enregistré dans le marbre, sur la platine. Je trouve qu'on aurait de meilleurs résultats dans cette émission si la lumière était moins blanche. Non, mais je plaisante pas. Il n'y a pas de lumière. Tu vois, là, on est dans les... Tu connais la nuance lumière chaude, lumière froide. Là, on a une lumière très froide. Et pareil, on a vraiment très peu de matière absorbante au niveau sonore. Ici. Mm-hmm. C'est catastrophique. On l'entend, ça résonne comme si on était dans des toilettes. Mais il faudra... Non, mais c'est vrai. Puisqu'on en parle. Je pense que pour nos prochaines émissions et nos prochaines évolutions de la radio, il faut qu'on travaille là-dessus, sur la lumière de cette pièce. Et éventuellement sa sonorité. Nous en profitons pour glisser un appel aux dons à nos généreux auditeurs pour participer au développement et au soutien du matériel de Radio Gamozo. Il faut savoir qu'on a très peu de ressources. Les seules ressources qu'on a, elles viennent de l'Europe, c'est ça? Du ministère de la Culture. Alors, une émission sur comment vivent les radios. Après, je ne sais pas si on tiendra deux heures. Si, ça, c'est une très bonne idée. Oui, ça peut être une bonne chose. Ouais. Comment fonctionnent les radios associatives? Parce qu'il faut dire, surtout, Radio Gamozo, aucune publicité. Ce que Radio Cristal ne peut pas se targuer de faire. Nous n'avons et nous pas en sommes fiers. De publicité. Non, mais c'est vrai, voilà, nous, on n'a aucun financement autre que la fameuse subvention du ministère. La publicité est limitée à 20% sur nos médias. Donc, on a besoin de vous. On a besoin de tout à chacun qui a la possibilité de nous laisser 5, 10, 20, 30, 40, voire plus, dans une petite enveloppe. Et on rappelle que tous les dons sont déductibles d'impôts, puisque l'association est reconnue d'intérêt général. Exactement. Donc, 66% de votre don sont déductibles de vos impôts. Tout à fait. On aura bien fait la pub. Oui, on aura très très bien fait la pub. Dans tous les cas, si vous êtes convaincu, n'hésitez pas à passer sur notre cagnotte Hello Asso. Donc Hello pour bonjour en anglais et Asso A2SO pour association. Toujours disponible via notre page Facebook Radio Gamozo ou sur notre site internet radiogamozo.eu. Elle n'est pas vraiment partie. Elle est toujours bien là. Elle est toujours un peu là, toujours un pied dans la radio pour l'instant, à voir comment les choses bougent, comment les choses évoluent. Dans tous les cas, on se retrouvera dans un mois, alias le 7 février, si tout va bien, n'est-ce pas? C'est ce qui est prévu. Et oui, comme ça on annonce déjà la prochaine émission aux auditeurs. Je sais juste de voir comment lancer le générique parce que j'ai les bras croisés là. et dans ce cas, je pense que on n'a pas besoin de faire spécialement une conclusion. En fait, elle est venue toute seule, la conclusion de l'émission. Je pense que cette fois, on a fait le tour du sujet. Oui. Mais comme souvent dans nos émissions, les sujets se croisent, se décroisent et se percutent. On sera forcément amené à reparler de ça dans d'autres contextes. Convergence des sujets. Voilà. Eh oui, c'est important dans tous les cas. Faites comme vous le sentez, parce que, en tout cas, pour Gaël, Julien et moi, c'est important que chacun suive sa conscience et fasse les choses à son rythme pour soi. Et on rappelle qu'on vous adresse à nouveau tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. Très bonne année 2019. Bonne année à tous et on vous souhaite le meilleur. On vous souhaite aussi des meilleures émissions auprès de nos radios Gémozo et Cristal. Et on vous souhaite à tous une excellente soirée en vous remerciant aussi d'avoir écouté. Ça y est, ça se lance. Ce loup fait encore des bêtises comme d'habitude. En tout cas, on te remercie pour la technique. Ciao. Ciao. Au revoir.